à la librairie Actes Sud, puis vous avez travaillé chez Abeille Musique, aujourd'hui Cobuz, et donc vous avez travaillé comme chef de produit du domaine Jazz World Indé, et là vous avez contribué à la mise en place des podcasts. Vous êtes l'auteur de deux mémoires, Le rôle du disquaire et De la distribution physique à la distribution numérique. Vous avez été président du MILA, qui est un dispositif de soutien à la production et à la diffusion musicale indépendante. Chaque mardi sur Radio Néo, vous animez l'émission des dièses et des bémols, donc une émission dédiée à l'actualité musicale, avec des invités. Et donc une émission qu'on peut aussi rattraper en podcast. Et vous avez également un blog baptisé Viva Musica, et c'est sous ce pseudonyme qu'on peut vous retrouver sur Twitter. Voilà. La parole est à vous. Bonjour à tous. On va, pendant l'heure et demie qui suit avant le déjeuner, plein de végétaux et de légumes qui nous attend, aborder la notion de métadonnées musicales du Big Data au secours de la recommandation. Alors la recommandation, je pense que vous savez tous très bien ce que c'est pour le pratiquer au quotidien. Par contre, la notion de web sémantique, de big data, de métadonnées et comment toutes ces choses-là comment vont changer ou pas le métier de la recommandation, faire évoluer la recommandation. Ben, c'est justement ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui dans l'heure qui suit avec mes invités. On a Nicolas Andry, qui est le responsable de la documentation et qualité chez Archimède, qui est là, qui est grand, qui va commencer. Rodolphe Bailly, bonjour, qui est adjoint à la direction éducation au pôle ressources de la Philharmonie de Paris, l'ancienne Cité de la Musique, qui vient d'ouvrir un nouveau bâtiment tout joli avec plein de mouettes en métal dessus, et qui va nous parler du Web 3, de la notion de web sémantique. Qu'est-ce qui se cache? Il arrive, il est dans le train, il vient de Luxembourg, c'est Hugo Bon, qui est le fondateur d'Écopolite et de Soundistic, qui va nous rejoindre incessamment sous peu, pour nous parler de comment faire parler, comment sortir de la data automatiquement du contenu. Et Rémi Bouton, que vous connaissez, blogueur de la guerre du bouton, un des pionniers de la radio pirate, il est venu sans son bandeau sur l'œil, journaliste dans l'industrie culturelle depuis Bouma et depuis trop longtemps, et qui a rédigé plusieurs écrits sur les métadonnées, et avec lequel on va pouvoir aborder la notion de comment la technique s'interopère avec l'individu. Je me tourne vers Nicolas. Nicolas, tu as 15 minutes pour nous présenter Archimède. 15 minutes ? Non, pas. Pas Archimède. Donc bonjour à tous. Donc déjà par rapport au sujet, la question du big data, donc on va l'évacuer tout de suite. Pour nous, le premier big data, celui qu'on utilise tout le temps, c'est le catalogue des médiathèques. Et en fait, on se rend compte en regardant un petit peu dans le détail que c'est quelque chose d'assez complexe, avec beaucoup de données, et qu'on peut en faire déjà beaucoup, et qu'ensuite on peut en plus l'enrichir avec des données externes. Donc le plan, ça va être la recommandation. D'abord, c'est une proposition de service autour des documents, et ensuite on verra comment on peut faire pour pratiquement, dans la pratique, proposer de la recommandation. Donc la première chose, en fait, c'est que j'ai essayé de regarder par rapport à un rapport de l'OCLC qui est sorti en 2009, qui montre un petit peu les usages, les souhaits des usagers et des bibliothécaires. Donc la première chose, en fait, c'est une liste des documents que la bibliothèque possède et la possibilité de voir ce qui est immédiatement disponible. Ensuite vient la notion de nom de l'auteur, les détails autour du document, des choses un petit peu donc là qui sont vraiment autour de la métadonnée. Et vient ensuite le lien vers le contenu et les textes intégraux en ligne. Donc ça, c'est un petit peu, c'est une autre chose, ça c'est ce qui serait le plus utile. Et donc là, on voit qu'il y a encore la notion de lien et de contenu vers des textes ou vers des ressources numériques. Mais il y a aussi la question des résumés, des extraits, des tables de matière. Un peu plus bas, dans les 14%, il y a aussi la question des infos sur les auteurs ou sur les sujets. Donc la question, c'est comment on fait pour répondre aux besoins de l'usager. Donc l'idée, c'est accéder aux documents. Ça va être le cœur de notre philosophie par rapport au portail de médiathèque. C'est comment on fait pour que l'utilisateur trouve le document et puisse repartir avec, ou le réserver, enfin voilà, des choses comme ça. Et ensuite découvrir des nouveaux sons, parce qu'il peut être aussi intéressé par découvrir des nouveaux univers. Donc pour nous, l'idée, c'est que le site de la bibliothèque ou de la médiathèque sont des moyens de proposer un système de médiation numérique et humaine autour du document. Donc ensuite, la question, c'est quelles recommandations ? Donc je ne vais pas vous expliquer ce que vous pouvez faire comme recommandation. Mais par contre, sur le portail de la médiathèque, il y a quatre choses qui peuvent rentrer en ligne de compte pour améliorer la recommandation. C'est d'abord les pairs, les professionnels, les personnes qui partagent les mêmes affinités culturelles. Ensuite, des résultats qui sont basés sur les pratiques des usagers. Alors, sans forcément aller dans le sens de Deezer ou Spotify ou des choses comme ça, avec des algorithmes hyper complexes, mais quand même déjà partir des pratiques des usagers et de la popularité des documents, par exemple, faire des algorithmes qui permettent de regrouper ça et de proposer au niveau des, par exemple, des comptes usagers. Donc, moi, j'ai regardé sur les statistiques, par exemple, quand j'étais à Antony, on se rend compte qu'en fait, les pages qui sont les plus pratiquées par les utilisateurs, c'est et le catalogue, forcément, les nouveautés, et la page des usagers. Donc l'idée, c'est que à ces niveaux, dans ces pages-là, on peut proposer de la recommandation. Ensuite, c'est enrichir les résultats. Donc ça veut dire proposer de l'information, usager. Donc du coup, l'usager en sait plus pour choisir. Il permet d'identifier les documents qui l'intéressent. Et ensuite, affiner et adapter la recherche pour aider l'usager à trouver ce qu'il cherche. Par rapport à la première proposition autour des professionnels, je pense que quand vous êtes dans le monde physique, dans le vrai monde, vous vous rendez compte que les usagers sont friands de vos commentaires et de vos avis, de vos sélections. Et donc pour nous, le but, c'est aussi de proposer un système qui facilite la saisie de ces avis, la saisie de ces sélections, et qui en plus sera le mieux placé sur le site pour que ça soit le plus visible. Ça, c'est vraiment important, parce que si on ne voit pas vos commentaires, si on ne voit pas vos avis, à ce moment-là, ça ne sert à rien en fait. Donc, qu'est-ce que ça va apporter, la recommandation ? Donc, pour l'usager, déjà, ça va améliorer son expérience utilisateur, forcément. Il va accélérer, il va réduire son temps de recherche, donc il pourra chercher plus, mais il va pouvoir aussi, ça va faciliter sa recherche, il y aura moins de complexité. Ça va aussi éclaircir les besoins mal identifiés. Moi, je pense que vous avez tous en mémoire le cas de l'usager qui vient et qui vous demande « Mais qu'est-ce que c'est déjà ? Je l'ai entendu sur telle radio où ça fait ta-ta-ta-ta et puis on ne sait pas vraiment. » Enfin voilà. C'est... Et du coup, l'idée, c'est qu'il y a des mécanismes qui permettent de donner des propositions en fonction des besoins qui ne sont pas forcément très clairs pour l'usager. Et enfin, identifier les besoins inconscients, c'est la sérendipité, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, et de pouvoir donner des infos qui sortent des chemins et des sentiers battus. Ensuite, la question, c'est qu'est-ce que ça rapporte pour vous ? Qu'est-ce que ça apporte ? Donc, déjà, ça fidélise vos usagers parce que ça va vous permettre d'avoir des avis et des conseils qui sont les plus simples et les plus précis possibles, et donc des gens qui seront forcément plus contents. Voilà. Donc d'améliorer les taux de rotation du fonds, ça fait partie des choses qui sont un peu importantes en ce moment avec les budgets qui baissent, donc ça peut avoir du sens. Et ensuite d'identifier les préférences des utilisateurs, donc ça c'est au niveau des statistiques, pour améliorer la politique documentaire de votre établissement. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qui peuvent être intéressantes. Donc là on va rentrer un peu dans le pratique, et comment proposer de la recommandation. Donc déjà, la première chose, c'est en partant du SIGB. Tout à l'heure, je vous disais que le premier big data qu'on utilise, c'est le catalogue. Et donc, en revenant sur la question des algorithmes qui permettent de corréler les emprunts et les consultations du catalogue, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est une utilisation améliorée et une vraie utilisation de ce que propose Unimark. En fait, tout le monde nous dit qu'Unimark est mort. Et pourtant, nous, on pense que justement, il faut repartir d'Unimark pour aller plus loin, en fait. Donc, par exemple, une première application, c'est l'utilisation d'Unimark et des champs, des mots-matières, avec les suggestions qui sont basées sur des algorithmes qui permettent de faire remonter des mots qui seraient renvoyés par la recherche. Par exemple, même Miles Davis avec la trompette, le quintet de jazz, le jazz, ou le film pour Ascenseur pour l'échafaud, par exemple. Ça peut être aussi une amélioration de la recherche. Là, par exemple, sur le bandeau supérieur, vous voyez que... Donc là, c'est pas de la musique, c'est plus simple. Et puis c'est, voilà. Par exemple, Romain Gary ou Émile Ajar, on peut trouver l'un, on trouve l'autre. Et ça peut être intéressant aussi de faire des recommandations autour du catalogue. Et là, pour le coup, c'est vraiment... On utilise le catalogue et on enrichit la recherche, en fait. Ensuite, l'idée, ça va être de proposer de la formation complémentaire. Et donc, il y a des prérequis par rapport à ça. Donc, déjà, je sais que voilà, j'ai un public de discothécaires plutôt cool et qui n'aime pas trop la norme. Enfin, voilà, ce genre de choses, quoi. Ouais, c'est vrai, je suis désolé. Mais, donc, pour nous, l'idée, c'est Unimark, la norme et rien que la norme. Voilà, je suis désolé. L'idée, c'est que si vous avez un catalogue propre, on pourra aller plus loin. Si ce n'est pas le cas, ça va être compliqué, en fait. Dans tous les cas, quand on connaît les gammes, voilà, c'est un peu le truc musicien, voilà. Quand on connaît les gammes, on peut improviser, et en respectant la norme, on va pouvoir évoluer librement au fil de la transition bibliographique. La transition bibliographique, pour les gens qui ne suivent pas trop la question des FRBR, ça va être comment on fait pour passer aujourd'hui d'Unimark vers RDA, FRBR, des choses comme ça, un petit peu. Voilà. Dans tous les cas, c'est pour ça que nous aujourd'hui, on est en train de sortir Syracuse, donc qui va bientôt passer en production sur des sites. Et l'idée, c'est qu'on, pendant la migration, on en profite pour repartir sur de la vraie norme et faire des systèmes de migration des données pour qu'on puisse pas avoir de problème et faire évoluer au fil du temps le catalogue. Ensuite, forcément, il va falloir qu'on puisse identifier. Et ça, ça va être la chose ultime à faire, sinon on ne pourra pas s'en sortir. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on puisse identifier les documents pour les reconnaître et pour les compléter au fur et à mesure de la transition bibliographique. Alors, en principe, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'on part de l'EAN, par exemple, ou des références commerciales. On a un vendangeur, je ne sais pas si vous connaissez, pour les gens qui travaillent avec OPSIS, qui permet de faire le rétrospectif et de prendre la totalité du fonds et d'aller interroger des bases de données comme la base de données de la BNF, le catalogue de BNF, ou aujourd'hui databnf.fr, pour récupérer des identifiants, donc par exemple le FRBNF, donc je rentre un petit peu dans le détail, et je vais vous montrer tout de suite après ce que ça veut dire. Et s'il n'y a pas les identifiants, le problème c'est qu'il va falloir aligner les données. Aligner les données, ça veut dire qu'on part du titre, de l'auteur, du numéro d'opus, des choses comme ça, pour essayer de trouver les identifiants qui correspondent à ces documents. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un catalogue propre pour faciliter l'alignement. Et donc les prérequis une fois posés, l'idée c'est de pouvoir s'ouvrir sur l'extérieur. Donc il y a déjà une première pratique qui existe, c'est les web services. Donc ça c'est un petit peu technique. L'idée c'est de faire appel à une base externe à partir d'une technologie normée. Donc en pratique, c'est par exemple injecter les métadonnées des bases de données externes dans le catalogue. Par exemple, on a BiblionDemand qui permet d'accéder à IDTouch, MusicMe, Last but not least, la cité de la musique. Et ça permet aussi, donc voilà, là par exemple, c'est une application à la médiathèque de Levallois, d'interroger, là c'est RTVOD Universiné, d'interroger la base, de la ramener dans le catalogue et de pouvoir ensuite avoir le film directement dans le catalogue. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Ensuite, une autre application ça marche pas. C'est pas grave. Je sais pas si vous connaissez, c'était sur la médiathèque d'Antony, c'était un petit truc que j'avais développé qui permettait d'avoir, à partir des données de l'ASTFM, de récupérer les relations qui existent entre les musiciens et de toujours aller vers le document. C'est-à-dire que là, sur la droite, vous aviez les albums, par exemple, de Steve Reich, et les genres musicaux, et ça permettait de rebondir sur, par exemple, la musique du XXe siècle des États-Unis, toujours avec le catalogue et Unimark, et donc les 606, des choses comme ça. Et de retrouver les documents dans le catalogue ou les auteurs qui étaient attachés à ce genre. Ensuite, l'idée, c'est de se projeter vers l'avenir. Je pense que la cité de musique et d'autres pourront dire que c'est même le présent. Donc, on a des sources qui sont exploitables. C'est DataBNF, DBpedia, avec des milliers d'œuvres et une normalisation qui permet de le faire. Par contre, il faut attendre un petit peu, parce que les données sont encore difficilement identifiables, pas forcément exhaustives, et il y a des sources qui peuvent s'éteindre. Par exemple, la BBC qui proposait un Sparkle Endpoint, donc qui permet d'accéder au web sémantique qui n'existe plus. Il y a aussi FreeBAS qui a été transféré dans Wikidata, mais il n'y a pas encore de choses pour y accéder. Et dans le monde des bibliothèques, on attend la préconisation et la BNF pour RDA. Par contre, on peut quand même se lancer. L'idée, c'est qu'en sachant identifier, on pourra enrichir, améliorer les résultats. Donc dans le catalogue, ça c'était sur la médiathèque d'Anthony, c'était un truc qui permettait de récupérer les données autour de Steve Reich, par exemple, d'avoir les distinctions, les biographies, les données biographiques et les relations d'influence entre les artistes. Par contre, moi, ce que je faisais à cette époque-là, c'est que je utilisais le nom avec... le problème, c'est que c'est la question des homonymes. Par exemple, Bill Evans, ça peut être du piano, ça peut être du saxo, et ce n'est pas les mêmes personnes. Donc l'idée, et je reviens toujours à la même chose, c'est utiliser des identifiants uniques. Donc là, ben, ça sera pareil, ça ne va pas marcher. C'était un cas un petit peu minimaliste, c'est-à-dire, en fait, je vous explique le principe. Ça, c'est le Syracuse, donc c'est une notice de catalogage. Et en insérant l'EAN, logiquement, et je peux vous le dire, ça marche. L'idée, c'est que directement, on interroge databnf.fr et on récupère les identifiants FRBNF et on récupère des données d'œuvres, on récupère le titre uniforme musical et ça permet d'enrichir le catalogue. Mais... par rapport à databnf.fr et spécifiquement par rapport à la musique, on a un petit problème aujourd'hui, c'est que la notion d'œuvre, elle est un peu complexe parce qu'elle regroupe, elle va prendre en compte, par exemple, les concertos brandebourgeois qui sont une œuvre, mais aussi les parties composantes de l'œuvre qui sont aussi des œuvres distinctes. Donc du coup, comment on fait? Est-ce qu'on utilise le 500 pour les titres uniformes musicaux? De la même manière, en classique, vous savez que c'est souvent la question de l'interprétation qui est prise en compte, avec des regroupements d'œuvres qui sont parfois issus d'auteurs différents. Et donc, comment on fait? Parce qu'à ce moment-là, on a trois concertos de Bach et deux quatuors de Mozart, ou peu importe. Et de la même manière, pour les opéras, l'autre fois, j'ai regardé le Boléro, et chaque air d'un opéra, donc c'est-à-dire que c'est même pas chaque acte, c'est chaque air d'un opéra est une œuvre. Donc alors là, ça devient extrêmement complexe, comment on fait pour identifier les données et récupérer les informations. De la même manière pour les albums de chansons, chaque chanson est une œuvre dans DataBNF, mais on ne sait pas comment on peut faire pour stocker ces données-là avec Unimark. Et est-ce qu'on utilise le 464? Je pense que la plupart d'entre vous utilisent ces champs-là. Est-ce qu'on utilise le 500? Donc ça, c'est des questions qu'il va falloir clarifier pour pouvoir avancer. Par contre, on a des perspectives, c'est-à-dire que très bientôt, une fois que ces problèmes seront résolus, on pourra afficher toutes les versions d'une même chanson pour que les usagers puissent les retrouver, puissent retrouver le document qui les intéresse. C'est-à-dire, par exemple, avoir, je sais pas, La Mauvaise Réputation par Brassens, mais aussi par Sinsémilia, par exemple. Faire des rebonds à partir des influences entre les artistes, donc ça c'est DBpedia. Retrouver toutes les interprétations d'une œuvre. Et retrouver toutes les éditions d'une œuvre. Ça rejoint ce que je disais au tout début, comment on peut faire pour avoir le papier ou le CD et en même temps la version numérique. Et on pourra aussi enrichir avec par exemple les recommandations, les récompenses musicales des artistes et des œuvres. Voilà. Donc une première solution, ça c'est le portail Syracuse. C'est là, ça a été fait pour les œuvres papier. Et donc, c'est d'avoir le livre, mais aussi le livre numérique et les différentes éditions. Et toujours en partant du document. Là, l'idée vraiment ultime que nous, on essaye de mettre en place, c'est le document. Et ça vous permettra en plus de faire de la médiation numérique autour de ça. Et en attendant, ne filtrez pas les notices que vous importez. Voilà, ça c'est la première chose. Parce que si vous filtrez et que vous enlevez des identifiants, on est foutu. Identifier, si vous avez la possibilité de rajouter les identifiants FRBNF, l'EAN, des choses comme ça. Et enfin, le document. Merci. Merci Nicolas pour cette présentation, pile poil dans les temps. Alors pour résumer, même si on est punk, il faut qu'il y ait une norme qui soit propre dans son catalogue. Il faut commencer par une base à domicile propre pour pouvoir la croiser avec d'autres. Et il y a cette question de propreté avec la... Est-ce qu'une œuvre, elle est 464 ou 500 au niveau de la BNF qu'il va falloir un jour résoudre. Et tu parlais de l'avenir. L'avenir, c'est déjà aujourd'hui, c'est déjà demain, avec le web sémantique. Mais qu'est-ce que c'est le web sémantique, Rodolphe? Toi. Bonjour, je vais vous chanter une petite chanson. Non. Alors pendant cette aléa du direct, Hugo Bon nous a rejoint, donc CEO de Sonditic, exactement, et toujours Egopolite. plus Écopolite. Donc c'est fini Écopolite, non, c'est Sonditic. Luxembourg maintenant, donc il est venu en voisin, et qui nous parlera tout à l'heure de comment faire parler la donnée directement, plutôt que d'aller nous-mêmes récupérer les données pour faire des choses de normes propres, sachant qu'on est plutôt punk et qu'on n'aime pas trop les trucs rigolotes. Et c'est parti, Rodolphe. Oui, bonjour, donc je viens de la Philharmonie de Paris, effectivement le bâtiment avec des oiseaux dessus, qui vient d'ouvrir. Donc la Philharmonie de Paris, vous le savez, reprend toutes les missions de la Cité de la Musique, le bâtiment de la Cité de la Musique et le nouveau bâtiment, et ça donne un seul établissement. Donc nous, on est le pôle ressources de ce nouvel établissement. On dépend d'une direction qui est la direction éducation et ressources. On a repris toutes les missions donc de la médiathèque que vous connaissez, de la Cité de la Musique. Ces missions étant, on ne va pas s'étendre sur toutes les missions, mais celle qui nous intéresse ici, c'est le traitement des ressources de la Philharmonie, qui sont essentiellement, on va dire, les traces laissées par tous les événements qui sont organisés à la Philharmonie, et à partir de ces traces également la production de nouvelles ressources. Donc le traitement, ça veut dire quoi? Ça veut dire traiter les fichiers audio, vidéo, des enregistrements des concerts, ça veut dire documenter au sein de la bibliothèque, ça veut dire conserver, et ça veut dire aussi, surtout, diffuser tant qu'on peut, tant que faire se peut, toutes ces ressources, et notamment donc les enregistrements des concerts. Alors, on les diffuse au travers d'un nombre toujours croissant de services en ligne. Donc on a un catalogue de la médiathèque, catalogue de documents physiques, qui utilise d'ailleurs des produits Archimède avec une imarque au milieu. Un catalogue de ressources numériques qui donne accès donc à un certain nombre de choses, mais sous la forme d'extraits principalement. Les collections du musée, il y a aussi un musée. Donc là, on décrit des objets, qui sont les objets de la collection permanente du musée. Un service de retransmission en direct des concerts. Et enfin, l'offre média que vous connaissez tous de Yanis, qui vous permet donc de donner accès à vos lecteurs à toutes ces ressources en intégralité. Alors, venons-en au fait. Le web sémantique dans tout ça, c'est toujours un peu difficile de le définir. Déjà, en fait, moi je m'intéresse à, je dirais, une sous-partie hein, du web sémantique qu'on appelle plus le web de données liées. Je trouve que déjà c'est une image qui permet de rentrer dans ce monde de manière un peu plus simple. Alors le web de données liées, c'est quoi? On a commencé à le comprendre, lier des données entre elles. Alors si on reste dans notre petit univers, là, la petite Philharmonie, là, dans notre pôle ressources, on peut se dire que nos données, elles sont assez liées entre elles. On est capable, au niveau le plus bas de la couche technique, de vous dire que tel enregistrement de concert, on a utilisé tel instrument du musée. Et dans cet enregistrement de concert, on a joué telle œuvre, telle œuvre et telle œuvre, et cette même œuvre, on en a d'autres interprétations dans d'autres enregistrements. Donc on a comme ça des liens entre des descriptions d'objets qui, a priori, sont quand même assez différentes les unes d'entre elles, quoi. Un objet qui est un instrument de musique d'un côté, qui est décrit par des conservateurs, c'est pas du tout la même chose qu'un enregistrement. Mais il y a ces liens, et ces liens, ils existent. Donc, le web de données liées, C'est ni plus ni moins d'essayer de faire la même chose à l'échelle du monde entier en utilisant les technologies du web. Ça veut dire tous ces... On parle d'entrepôts, on parle de silos de données qui sont un peu isolés les uns des autres, arriver à comprendre que dans ces entrepôts, on manipule des objets, des notions qui sont les mêmes. Et dans ce cas-là, faire des liens entre ces objets. Alors aujourd'hui, le web de données liées, c'est pas évident de se le représenter, mais on montre souvent cette image qu'on appelle le Linked Open Data Cloud. Ce n'est qu'un détail. Alors, toutes ces... de cette image, parce que j'avais pas une résolution assez grande. C'est plus clair. N'est-ce pas ? Ça explique un peu ce que... la chose. Alors, on a là des grosses bulles, plus ou moins grosses d'ailleurs, et des liens entre ces bulles. Alors, on aperçoit une grosse bulle là, qui s'appelle Dibipédia. Et puis d'autres, alors dans notre domaine, un petit peu au-dessus, je ne sais pas si vous lisez, mais il y a BBC Music, dont on vient de parler, il y a aussi Last.fm, DBTune, BBC Programme, etc. Donc ça, ce sont... Alors c'est quoi ? Ce sont des entrepôts de données qui sont ouverts, donc qui exposent les données sur le web de données. Et ce qu'on voit là, ce sont... des liens, les flèches représentent les liens qui ont été faits entre ces entrepôts. Voilà. Parce que, alors, si on zoomait, j'imagine qu'on pourrait voir que Last.fm est lié à BBC Music, parce qu'effectivement, ils manipulent les mêmes choses. Donc voilà, le principe, c'est d'utiliser les technologies du web, donc, qui sont les technologies qui, par définition, sont ouvertes, parce que derrière, il y a le W3C, donc il y a des normes qui font que c'est ouvert, pour exposer ces données, et surtout, autant que faire se peut, les lier avec d'autres entrepôts déjà existants. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'une fois qu'on aura fait ça, on pourra faciliter la tâche d'Archimède qui, on l'espère, bénéficiera d'identifiants pérennes pour identifier des œuvres, pour identifier des personnes, et donc aller chercher des informations un peu partout en utilisant ce réseau de liens. Alors nous, concrètement, qu'est-ce qu'on essaye de faire à la Philharmonie ? Donc ça fait déjà quelques années qu'on s'intéresse à ces technologies. Donc je dirais que pour l'instant, on n'est qu'à l'état d'expérimentation. Mais enfin, il y a quand même des choses déjà qui existent. Donc, aujourd'hui, il y a trois axes. Un axe plutôt théorique, on va dire, qui est donc la participation active à des groupes de travail initiés par le département des programmes numériques du ministère de la Culture. Ces groupes de travail, donc, qui débutent depuis 2 ans, je vais en parler, ce sont des groupes qui travaillent sur la notion des métadonnées culturelles et l'utilisation des web sémantiques dans ces métadonnées. Donc il y a une volonté politique, là, pour le coup, d'aller regarder de plus près ces techniques. MIMO, projet MIMO. MIMO, c'est Musical Instruments Museum Online, c'est pour ça que je vous en parlais. Ça, c'est un exemple concret, aujourd'hui, sur le web, d'une application, disons, d'un service en ligne qui utilise les technologies du web sémantique. Et enfin, le projet Doremus, dont je vais vous parler, qui, là, on l'espère, va... en théorie, faire avancer beaucoup de choses dans le domaine de la musique et du web sémantique. Alors, les groupes de travail, pour vous dire qu'il y a une volonté politique au niveau du ministère Enfin, je ne parle pas moi au nom du ministère, hein, je parle en tant que personne qui participe à ces groupes, mais il y a une vraie volonté d'aller un peu plonger dans ces techniques, de voir ce que ça peut apporter à la gestion des métadonnées culturelles au sens large en France, quoi. Donc, en 2013, il y a eu un premier groupe de travail d'une vingtaine de personnes provenant d'institutions, provenant du ministère, qui ont écrit une feuille de route sur les métadonnées et l'utilisation, ce qu'ils appellent le web 3.0. Donc ça, c'est encore une autre manière de l'appeler. Web sémantique, web de données, web 3.0, ça c'est vraiment le terme marketing, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais bon, voilà. Donc, vous voyez un petit peu là les actions qui sont en train d'être menées. Alors donc, comme je vous disais, 2013, premier groupe de travail, qui a donné lieu à 9 autres groupes de travail. Donc, on se multiplie, ça fait quand même maintenant une soixantaine de personnes qui travaillent là-dessus, divisées comme ça en thèmes plus précis. On parle donc de la mise en place d'identifiants pérennes pour identifier toutes les ressources culturelles. Ça veut dire identifier la flûte qu'il y a dans le musée de la musique et aussi identifier la 9e de Beethoven. Bon. Plus spécifiquement, un groupe de travail qui regarde les identifiants des personnes. Et là-dessus, qui en fait travaille plus précisément sur l'ISNI, donc ce nouvel entrepôt de données, organisme, je ne sais pas trop comment l'appeler, qui contient donc tout le contenu de VIAF et qui est en train de s'étendre. Donc ça, c'est un énorme réservoir de personnes, qui décrit des personnes, avec des identifiants sur le web. Nous concernant, dans l'action numéro 4, en fait, donc à la fin de cette année, il y a un projet qui va peut-être voir le jour, qui est un projet autour des instruments de musique, donc essayer de voir comment mettre en lien toutes les données qui sont réparties dans pas mal d'institutions autour des instruments de musique. Et enfin, moi je préside le numéro 7 où je m'attache à la description des événements culturels, c'est-à-dire les événements futurs, donc les concerts, tous les événements culturels dont on peut parler. Donc si on arrive à bien décrire les événements en utilisant le même modèle, alors on va pouvoir faire des moteurs de recherche beaucoup plus performants, permettant de chercher selon plein de critères, plein de voies, tout ce qui est le foisonnement des événements culturels que tout le monde organise, hein, vous comme nous. Donc ça, c'était le ministère. MIMO. Alors MIMO, c'est un agrégateur de données qui rassemble des descriptions d'instruments de musique qui sont conservés dans des musées un peu partout dans le monde. Donc là, on a maintenant une 25 musées, ça représente 54 000 instruments de musique. C'est déjà un assez gros volume. Alors MIMO, en fait, utilise le web de données pour deux choses. D'abord, pour aller chercher, pour résoudre en fait un problème qui est un problème assez compliqué là, de recherche multilingue, parce que donc on a des descriptions qui viennent dans plusieurs langues. Si on cherche une flûte, et ben il faut pas que on tape le mot flûte et qu'on ait que des flûtes décrites en français. Il faut qu'on ait les flûtes écrites dans toutes les langues. Et qui permet donc le web sémantique nous a permis d'aller chercher, alors je m'embrouille un peu, mais d'aller chercher les informations concernant les localisations, c'est-à-dire les endroits où ont été fabriqués les objets. Bon. On n'allait pas refaire un... On a fait un thésaurus pour les instruments de musique, parce que c'était notre domaine, mais on n'allait pas refaire un thésaurus qui contient l'ensemble des localisations sur Terre, tout ça dans N langues. Sachant qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau musée avec une nouvelle langue, il faut rajouter une langue. Donc, bon. Donc là, on s'est tourné vers les référentiels existants sur le web sémantique. Notamment, il y en avait un qui était assez gros, là, si on revient... c'était... ouais, ça y est, j'ai cassé mon truc, ça m'apprendra. C'était GeoNames. GeoNames, c'est un gros référentiel. Voilà, il est là, il est juste à côté de Wikipédia, qui contient toutes les localisations, c'est-à-dire les noms de pays, les noms de villes, etc., dans je sais pas, une trentaine de langues. Quoi. Rodolphe, on finit sur Doremus. Pardon. Alors, ouais, Doremus. C'est avec le sémantique, on a tendance à beaucoup, beaucoup s'étendre. Et... j'ai pas vu le temps passer. Doremus... données en réutilisation pour la musique en fonction des usages, est un projet ANR, Agence nationale de la recherche, qui va durer 3 ans, qu'on a commencé là en novembre, avec l'ABNF, Radio France. Donc l'idée, c'est d'abord de travailler sur un modèle de représentation des œuvres musicales, ce dont tu parlais tout à l'heure, Nicolas, où il manque des choses quand même pour bien décrire les œuvres et bien les identifier. Donc travailler sur un modèle le plus ouvert possible. Une fois qu'on a ce modèle, c'est l'éprouver en prenant toutes nos données à nous, à la BNF, données de musique, et à Radio France, la discothèque de Radio France, etc., et mettre tout ça dans un gigantesque entrepôt de données qui va contenir l'ensemble de ces données. Et une fois qu'on a ça, déjà, en fait, on peut se dire que peut-être qu'on commence à avoir une bulle qui parle de musique, ou en tout cas, on a un référentiel d'œuvres musicales qui pourrait avoir sa place. Et qui pourrait donc servir à tout le monde, hein, c'est ça l'idée. Et puis on peut aussi commencer à regarder dans ces données, parce qu'on a non seulement les données qui décrivent les œuvres, mais aussi les données qui décrivent les programmations, donc programmation de concerts, programmation d'émissions de radio. Et du coup, dans ce gros volume de données, essayer de trouver des motifs, des patterns. Du type telle œuvre, en fait, elle est souvent jouée avant telle autre ou après telle autre, et pourquoi pas essayer de réutiliser ces patterns dans les moteurs de recommandation. D'accord. Donc, dans le maestrum des œuvres, c'est voir quels sont les enchaînements, quelles sont les récurrences de, entre guillemets, de consommation et d'usage qu'elles peuvent avoir. Merci, Rodolphe. Il y a Hugo qui va s'installer pour. Donc le web sémantique, c'est un gros bordel, hein, on peut appeler ça comme ça. Il y a plein de choses. Toi, tu es surtout dans l'idée d'aller dans le recyclage, parce que c'est les données liées, il y a des bases qui existent. Plutôt que faire chacun sa base dans son coin, il faut plutôt créer des passerelles. Pour ça, il y a le problème de l'identification des œuvres, et qu'on parle bien du May Miles Davis, et qu'on parle bien du May Billy Evans pianiste, et pas du Billy Evans saxophoniste. C'est pourquoi je voulais me faire jouer de la trompette à Billy Evans. Et on voit qu'il y a donc plusieurs projets au niveau national, et aussi des choses au niveau plus international, comme le projet MIMO international sur les musées, où on ne va pas faire juste une liste à la Prévert des instruments dans toutes les langues, mais essayer de donner du sens à ça, et le projet Doremus sur les usages. Et tu parlais de la description des événements, ce qui était ton pain quotidien à la Philharmonie, la description des événements qui se passent à la Philharmonie. En ce moment, il y a une exposition David Bowie. Tu l'as décrit par rapport au catalogue, tu l'as décrit par rapport aux articles qui parlent de l'exposition de David Bowie, où il y a, comme Lina le fait pour chacune de ses vidéos, des petites mains qui vont mettre des mots derrière chaque événement. Et donc, derrière David Bowie, on va mettre tous les mots qui sont associés, créer un corpus, un verbatim. Rapidement, comment ça se passe sur la création de données sur ça? En fait, justement, moi, le pôle ressources, on intervient après. C'est le web sémantique, on pourrait déjà commencer par l'utiliser à l'intérieur même de la Philharmonie et mettre en lien des bases de données qui ne sont même pas chez nous. quand je disais que ça fonctionne pas mal au niveau du pôle ressources, en fin de compte, c'est pas les mêmes systèmes d'information qui décrivent les événements avant qu'ils aient lieu. Oui. D'accord ? Que ceux qui décrivent les événements après qu'ils aient lieu. Donc ces systèmes d'information aujourd'hui communiquent pas assez, voire même pas du tout. Donc le David Bowie en question, bah, effectivement, c'est manuel, quoi. Le fait de savoir que nous à la bibliothèque on a N documents sur David Bowie, si on veut ramener cette information au niveau de la présentation sur le web de l'exposition, aujourd'hui ça se fait manuellement. Avec, en utilisant des technologies du web sémantique, ça pourrait se faire de manière automatique ou du moins semi-automatique, suggérée. Après, faut le faire intelligemment, parce que on peut se retrouver avec 10 000 documents, ça n'a pas de sens, il faut les ordonner. Il y a un travail d'éditorialisation, voilà. et donc de médiation. Tout de même, c'est sûr que là, il y a énormément de travail, ne serait-ce que... Alors, comment faire parler le contenu? Bah, ça, c'est justement ce dont on va parler Hugo Bond de Sunditix. On dit le S. Oui, on dit le S. Sunditix. Donc, voilà. Comment on fait sortir de la data directement de l'œuvre. C'est ça, des chansons. Bonjour à tous, excusez-moi pour le léger retard, je ne savais pas que ça commençait en avance. Alors, je me présente rapidement. Moi, j'avais commencé par faire des études de droit. Alors, c'est bizarre que ça nous amène là-dedans, mais j'étais spécialisé en droit du digital à la Sorbonne et j'avais fait un mémoire de recherche sur les métadonnées, justement, dans l'environnement musical et tout leur encadrement juridique. Donc, les différents types de data, faire une classification, voir comment elles sont créées, à qui elles servent et comment on peut essayer de leur donner des statuts juridiques. Et je sais que c'est des sujets qui sont encore assez d'actualité et sur lesquels beaucoup de personnes se penchent. Alors, moi, maintenant, passer dans la dark side, celle de l'entrepreneuriat. Pendant mes études, j'avais créé Ecopolite, que Fred a rappelé tout à l'heure. C'était une plateforme de musique en ligne dédiée aux musiques contemporaines, savantes, donc jazz, musique concrète, etc. On distribuait environ 100 000 titres. On avait numérisé beaucoup d'œuvres qui avaient été, qui n'avaient jamais été numérisées, une cinquantaine d'albums, voilà, et on faisait aussi un peu de production. Donc c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier. Ecopolite a fermé ses portes là il y a quelques mois, et depuis un an et demi, je travaille donc avec mes cofondateurs et une petite équipe sur un projet qui s'appelle Sunditix, que vous voyez affiché ici. Donc nous sommes une start-up spécialisée dans la recommandation automatique de musique et le développement de moteurs de recherche musicaux. Alors, voilà, donc, attendez, hop. Voilà, donc le but final, ultime, je dirais, de Sunditix, c'est amener la bonne musique à la bonne personne au bon moment, c'est-à-dire dans tout type d'environnement numérique. Alors, je vais procéder en deux phases, ça va être assez rapide, hein, je pense. Ça va être d'abord comment ça marche, comment on fait ça, et puis deuxièmement, qu'est-ce qu'on en fait, à qui on le vend, à qui ça va servir. Donc vous m'excuserez, mais mes slides ne sont pas dans l'ordre. Alors, je vais devoir des fois défiler un peu, ça va être un peu rock'n'roll. Alors, comment ça marche concrètement? Nous avons développé une technologie de ce qu'on appelle de description sonore avec un centre de recherche en Allemagne, le Fraunhofer Institute, qui nous permet donc d'analyser la musique. Donc vous voyez, c'est la première case, la case catalogue. On prend un catalogue musical qui peut être très large. On peut traiter, aujourd'hui on a déjà analysé 6 millions de titres qui viennent de différentes bases de clients, prospects ou alors de bases ouvertes. On prend ces catalogues-là, on les passe à la moulinette, on les analyse, donc c'est la deuxième phase, et on va en extraire automatiquement deux blocs de données. On a deux briques technologiques principales. La première, c'est l'extraction de ce qu'on appelle l'ADN musical. Ce sont les caractéristiques acoustiques des titres. Donc ça, c'est une technologie de deep learning, c'est-à-dire que c'est un mélange d'algorithmes de description et de machine learning, c'est-à-dire qu'on entraîne la machine sur des millions de titres pour voir là où elle se trompe, pour pouvoir améliorer, etc. Et on va extraire, reconnaître comme ça une quinzaine environ de métadonnées acoustiques par titre. Donc ça va du genre musical à la présence de sous-genres, aussi aux catégories d'instruments qu'il y a dans la musique, à la présence de voix, arriver à définir la voix, est-ce que c'est une voix féminine ou masculine, toutes les données rythmiques, donc le tempo, la percussivité, le dynamisme d'une chanson, la fréquence, la tonalité, voilà, tout un ensemble de points d'analyse qu'on arrive à, ensuite à traduire en données humaines, en données compréhensibles. Une fois qu'on a toutes ces données, cet ADN musical-là, on va l'enrichir. Donc là, c'est ce qu'on disait sur le web sémantique, c'est-à-dire qu'on va aller scroller, on va aller se plugger sur différentes bases de données spécialisées ou avec lesquelles on a des partenariats pour essayer d'avoir le maximum d'informations autour de l'œuvre. Arriver à recréer l'univers d'une chanson, c'est-à-dire savoir exactement ce qu'il y a dans la chanson, ça c'est la description automatique, et puis arriver à qualifier l'œuvre avec divers types de données. Donc je reviendrai spécifiquement sur ça, mais voilà, donc on va aller sur des bases spécialisées type Last.fm, Discogs, Music Brains pour les grosses, mais on va aussi aller piocher dans des bases de paroles pour arriver à analyser des paroles, en extraire des thèmes, faire d'analyse sémantique pure. On va aussi aller chercher dans Wikipédia, donc faire l'analyse des pages artiste Wikipédia pour arriver à avoir plus d'informations sur les dates de sortie, parce que enfin, typiquement sur j'ai dit que j'allais être court, mais en fait non, mais sur les dates de sortie, par exemple, vous savez, quand on se fie juste aux données des éditeurs, quand il s'agit d'une réédition, par exemple, en prenant Elvis Presley, bon, on a un titre qui va être enregistré début 70, mais nous, on a l'information qui vient d'une plateforme de streaming, et ça vient d'une réédition de 2014. Si on met dans notre moteur de recherche, ok, je veux du rock des années 70, on ne peut pas présenter Elvis Presley. Donc on va être obligé d'aller chercher d'autres informations pour être vraiment plus précis, savoir quand est-ce qu'on était les premiers enregistrements, etc. Donc pour ça, on est obligé d'aller mettre les mains dans le cambouis et d'aller chercher dans les bases de données nous-mêmes l'information. Voilà. Une fois qu'on a donc cet ADN musical et les données d'enrichissement, on va pouvoir créer à partir de là plusieurs types de services. Alors, que sont ces services ? Ah oui, bah non, juste avant de passer au service, comme je suis bavard, j'en profite. Alors, où est-ce que je suis ? Voilà les différents types de données un peu plus précises, précisément, que nous on va pouvoir extraire. Donc comme je vous le disais, voilà, à partir du signal audio, bah, le mood, le genre, les différents types d'instruments, la voix, la texture, la distorsion, le dynamisme d'une chanson, le tempo, le BPM, la percussivité, ça ce sont pour les principales, on en a certaines. Voilà, puis à chaque fois qu'on extrait des données, on a un taux de confiance, parce que ce sont des machines, hein, bien sûr, donc ça c'est en général ce qu'on arrive à sortir sans trop de difficultés. Et ensuite, évidemment, comme ce sont des machines, eh bien, on va faire appel à des bases spécialisées pour pouvoir enrichir, donc avec évidemment bah, le titre, l'artiste, l'album, le label, bien entendu, mais aussi la durée, la date de sortie, la langue des paroles, le pays, et certains mots-clés. Donc on fait, comme je vous le disais, par analyse de bases textuelles. Voilà. Et aussi la popularité des chansons, ce qui sont des choses assez importantes. Voilà, revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, ouais, voilà. Donc, on va s'adresser à trois types de cibles, sachant que, en fait, il y en a plutôt deux grands types. Il y a nos prospects, nos clients qui ont un catalogue. Donc là, on va parler plutôt des plateformes de musique au sens large, c'est-à-dire les détenteurs de catalogues. Donc, ça peut être plateforme de streaming, mais c'est aussi les publishers, ceux qui vendent de la musique, donc pour, bah, vous savez, les films, l'audiovisuel, etc. Donc à eux, voilà. Et deuxième grand type de clients, ce sont ceux qui n'ont pas de catalogue. Donc, par exemple, le secteur des transports, où on va pouvoir créer des applications sur mesure pour ces cadres-là, ou alors des interfaces pour les magasins, pour qu'ils puissent sonoriser leurs magasins intelligemment. Alors, pour ceux qui ont du catalogue, pour les plateformes de musique, donc B2B ou B2C, on a créé ce qu'on appelle une API, c'est-à-dire une interface de programmation qui va permettre aux développeurs d'implémenter, alors, soit de taguer leur base, c'est-à-dire on analyse le catalogue, on extrait des données et on leur fournit, ce qui leur permet d'avoir plus de données en interne pour pouvoir recommander la musique, pour pouvoir la chercher. On a aussi créé un moteur de recherche avancée qui va permettre donc de déployer sur leur interface toutes ces données-là pour pouvoir chercher la musique de manière plus précise, pour offrir des expériences de recherche à leurs utilisateurs. La similarité acoustique entre les titres, c'est-à-dire j'écoute une chanson, je peux vous recommander des chansons qui y ressemblent, mais que ça peut être modulable. Donc, c'est-à-dire, par exemple, je veux une certaine chanson qui est du rock, et on peut avoir la même caractéristique que cette chanson-là, c'est par exemple calme, avec tel type de BPM, avec tel type de mood, mais dans un autre genre musical, par exemple. Et puis, on va pouvoir créer des playlists pré-paramétrées, donc pouvoir générer à la volée des... C'est-à-dire, mettre une liste de critères et puis derrière créer des playlists qui vont correspondre à ces critères-là. Ça c'est pour toutes les radios thématiques ou les playlists thématiques qu'on peut générer à la volée. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas de catalogue, donc ça c'est notre deuxième type de clientèle, ça va être la création d'applications dans des environnements hors industrie de la musique. Donc par exemple, prenons là, donc c'est un exemple lambda, mais donc là on va travailler en partenariat avec des ayants droit, hein, major ou autre, pour placer leur musique, par exemple, dans une compagnie aérienne pour créer un service de musique très adapté au cadre de transport. Voilà, donc là, par exemple, c'est un exemple d'interface qu'on pourrait déployer à bord d'un avion. On travaille aussi avec, par exemple, des compagnies de taxi. Donc, vous savez que les taxis équipent leur voiture avec des tablettes. Donc, on crée des expériences musicales personnalisables sur mesure à bord des voitures. Voilà, et dernière chose, c'est ce qu'on peut faire donc de toutes ces données, donc concrétisation de ça, par exemple un outil pour les magasins, voilà, qui va permettre donc toujours pareil. Nous, on n'est pas détenteur de musique, hein, donc on va travailler avec, comme je le disais, des ayants droit, embarquer leur musique dans une interface qui va permettre aux magasins de sonoriser leur magasin avec toute une gamme de critères, de mood, de genre, etc., pour avoir une ambiance propice, enfin, qui correspond en tout cas à l'image de marque, de manière automatisée. Voilà. Une dernière chose avant de finir, c'est de dire que un dernier type de données sur lesquelles on travaille aussi, ce sont les données utilisateurs. Je vous disais, on a les moteurs de recherche, la similarité, mais on a aussi on essaye de suggérer automatiquement la musique, de recommander la musique selon plusieurs choses, c'est-à-dire selon le contexte de l'utilisateur. Donc c'est dans le cadre d'applications où il y a des usagers, des personnes comme vous et moi, donc savoir à quelle heure il est, est-ce que la personne est en déplacement ou pas, pour pouvoir lui suggérer de la musique. Par exemple, si quelqu'un aime l'électro, peut-être que ce ne sera pas le même type d'électro à 15h l'après-midi quand il travaille que à 2h du matin ou le matin quand il se lève. Enfin, voilà. Donc il faut arriver à pouvoir anticiper un peu le contexte de nos utilisateurs. Et puis on va aussi travailler évidemment à analyser les historiques d'écoute, donc c'est-à-dire quelle musique a été écoutée quand, et puis on a aussi ce qu'on appelle une phase d'une couche de learning, c'est-à-dire on a la possibilité d'implémenter le like ou le dislike, c'est-à-dire j'aime ou je n'aime pas telle chanson, ou j'ai écouté jusqu'au bout telle chanson, ou j'ai switché très rapidement, et donc pouvoir savoir de manière toujours plus précise comment recommander, comment suggérer automatiquement la musique aux utilisateurs. Donc voilà, donc pour finir et pour donc nous, la recommandation telle qu'on l'a fait chez Sounitic, c'est deux choses: décrire la musique avec technologiquement avec des algorithmes, enrichir avec agréger énormément de données qu'on va trouver sur des bases spécialisées, et puis essayer d'affiner notre recommandation en se basant sur le contexte et les préférences des utilisateurs. Voilà, je vous remercie. Merci Hugo. Alors, une question toute bête avant que tu viennes te joindre à nous. Dans la recommandation, on a vu que c'était un croisement de données au niveau des algorithmes, mais vous pouvez influencer. Par exemple, je veux une playlist mais avec plus de musique en polonais que pour ce style de genre musical, ou je veux une playlist avec 45 ou 60% d'artistes qui sont en concert dans la région de Metz. Oui, tout à fait. Alors, ça va dépendre des données. Effectivement, si par exemple on veut de la musique en polonais, il va falloir qu'on ait cette donnée-là, nous, en base, savoir si la langue des paroles, c'est du polonais, ou si l'artiste est de nationalité polonaise. Donc, ces données-là, potentiellement, on les a. Hein. Quand on peut les récupérer, en général, on les récupère. Quoi. Voilà, donc, ce n'est pas vraiment qu'on influence, mais on va laisser la possibilité d'avoir ça comme filtre de recherche donc chez nos clients. Et ensuite, influencé, malheureusement, quand, comme je vous disais, on déploie une expérience, par exemple, dans une compagnie aérienne, une application pour les passagers, on va travailler avec une major. Forcément, la major va vouloir placer ses titres ou les titres qui marchent le mieux, les titres actuels, etc., en premier. Voilà. Donc, on est aussi, on reste quand même une petite start-up. On est aussi dépendant des gens avec qui on travaille, qui vont parfois nous imposer certaines choses. Voilà. D'accord. Rémi Bouton, alors on a vu beaucoup de choses assez différentes et assez similaires au début de conférence. Donc d'Archimède à j'arrive jamais à m'en dire, Sonditix, donc de comment on donne accès au support, à comment le contenu va donner, va s'ouvrir et va donner de l'information, donc de l'information sémantique, de la métadata pour pouvoir à terme la recommander, pour pouvoir l'identifier, pour pouvoir la confronter à un public. Alors, est-ce que le big data, est-ce que la métadonnée peut faire la recommandation toute seule? Ouais, alors pour commencer, j'ai envie de dire bienvenue dans un métier en voie de, je vais pas dire disparition, je vais dire réinvention. J'en fais partie, moi je suis journaliste, c'est pareil, on est dans les mêmes problématiques où notre rôle reste essentiel, mais les conditions dans lesquelles on l'exerce changent complètement. On a parlé d'Internet, le réseau des machines, le web, le réseau des documents, et puis maintenant le réseau des données, et puis peut-être demain le réseau un réseau cognitif basé sur le. Ce qui est intéressant avec ce que fait Sonditix, c'est qu'on analyse la musique, on l'analyse plus avec de la sémantique, on l'analyse plus avec des mots. Depuis toujours, on était dans le fait d'écrire sur la musique, de lire sur la musique, mais pour définir la musique, on avait nécessairement besoin de mots. Là, ce qui arrive avec ces technologies-là, c'est qu'on peut commencer à décrire la musique sans les mots. C'est un peu le même métier que discothécaire, puisque qui écoute un album, il sait que celui-là, il va pouvoir switcher avec tel album, je vais pouvoir le conseiller à quelqu'un qui a déjà écouté tel artiste. Éventuellement, mais il aura quand même... Alors, sauf s'il est vraiment dans une relation one-to-one, là, sinon, on est quand même plutôt dans le fait d'avoir des fiches descriptives, on est encore dans cette culture-là de décrire, et même les métadonnées, tu en as beaucoup parlé, tout ce côté descriptif, déjà, savoir de quel titre on parle, de quel artiste on parle. Là, on est dans des mots, alors qu'avec ça, on peut... Déjà, il y a aujourd'hui des ordinateurs qui ont écouté plus de musique que nous, quoi. Ils en ont écouté plus que nous. Donc ils ont certainement un avis moins intéressant que nous sur la musique. Il n'empêche qu'ils ont quand même écouté plus de titres que nous et que peut-être, très vite, on aura des ordinateurs, des réseaux d'ordinateurs qui auront écouté toute la musique. Nous, on n'aura pas écouté toute la musique. Donc voilà, ça pose quand même question. Ouais, tout écouter pour faire quoi? Alors voilà, après, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on est... D'abord, on n'est pas dans un combat entre l'ordinateur et l'humain. On est peut-être un jour. Pour l'instant, ce qui est intéressant quand même, c'est de constater que l'ordinateur permet d'augmenter nos capacités, en fait. D'une part, parce qu'il peut nous apporter des données, mais aussi parce qu'il nous permet de travailler en réseau. Ça, c'est quand même une des grandes forces de la machine. Et là, c'est déjà même l'Internet de base. Nous permet de travailler en réseau et parce qu'on a des humains qui travaillent en réseau et qu'on partage nos connaissances plus vite, voire en temps réel, on est déjà beaucoup plus intelligent. Donc l'intelligence humaine aujourd'hui, elle est augmentée par l'intelligence humaine grâce aux ordinateurs qui permettent d'échanger plus vite en temps réel. Hugo, tu voulais rebondir? C'était pour aller complètement dans ton propos, c'est-à-dire que nous, on n'a pas du tout la prétention de remplacer l'homme, jamais. Déjà parce que l'oreille humaine est largement supérieure à nos algorithmes, si bon qu'ils soient. 13 critères pour un algorithme, 15 par rapport à l'oreille humaine, c'est pas assez, puis c'est très objectif. Simplement, ça permet d'aller plus loin dans l'expérience. C'est vrai que quand on a une base de 20-25 millions de titres, on a beau avoir 50 personnes qui font des curateurs, qui font des playlists, je pense aux 50 Deezer Editor ou autre, 50 personnes personnes ne pourront jamais avoir écouté l'intégralité des 25 millions de titres. Donc nous, notre travail, c'est juste de suggérer plus de musique, amener plus de diversité dans l'écoute, essayer de partir d'une playlist qui a été faite, créée par des humains, qui a été recommandée par des humains, pour ensuite amener des titres similaires, voir comment on pourrait leur en commander d'autres, etc. Donc on est vraiment en complément. Et on ne remplace pas l'humain. Voilà, juste pour rajouter un truc sur Hugo, c'est que ça amène aussi le fait qu'on peut qualifier la musique de manière tout à fait automatique. C'est-à-dire que c'est plus des experts qui vont qualifier, qui vont en décrivant, mais c'est la machine qui est capable déjà de qualifier ça. Alors ça ne veut pas dire que c'est la meilleure manière de la qualifier, mais au moins là, on a quelque chose qui est objectif, international, et qui tient dans le temps. Rodolphe, Nicolas, n'hésitez pas à intervenir si vous voulez rebondir sur les propos de Rémi. Et il y aura tout à l'heure un micro qui circulera dans la salle pour les questions. La machine, elle classifie de manière automatique la musique, mais en se basant sur des critères qui ont été élaborés par les humains. On est encore là, quoi. Donc c'est un travail d'équipe, hein. Machine, humain, même combat. Alors on peut qualifier automatiquement la musique, tu dis Rémi. Il y a la notion de contexte d'écoute qui pose problème, qui pose question, puisqu'on n'aime pas forcément tout ce qu'on écoute, et on n'écoute pas forcément, on n'a pas forcément envie d'écouter la même chose qu'on veut. Et la problématique qu'on a avec la musique, c'est que c'est quelque chose qu'on écoute plusieurs fois et dans sa vie, plusieurs fois dans une journée, et on n'a pas forcément toujours les mêmes besoins. Comment on règle ce problème-là propre à la musique, de quelque chose qu'on n'arrive pas à mettre des mots, ou des fois on a envie, des fois on n'a pas envie, et comment on arrive à faire sortir l'inconscient de l'auditeur pour pouvoir lui apporter ce qu'il a envie? Moi, je pense que ça va prendre beaucoup de temps. C'est-à-dire que, de la même manière que la musique a été un des secteurs qui a bougé le plus vite avec le numérique, hein, ça fait 15-20 ans, et on voit qu'aujourd'hui, ce n'est pas terminé, on ne sait pas encore exactement où on en est, quels seront les modèles. Il n'empêche que c'est la musique qui a permis de montrer la voie à plein d'autres industries culturelles, mais aussi l'hôtellerie, les transports et tout le monde aujourd'hui qui se met à faire du crowdfunding, de la share economy, etc. Donc la culture là-dessus a montré le chemin. L'économie du partage, voilà, hein, le Airbnb, Blablacar, etc. Et crowdfunding, vous connaissez tous, hein, le financement par la foule. Donc c'est intéressant, hein, de voir que c'est la culture qui montre le chemin de la civilisation, je dirais. Là où on va avec le numérique, c'est d'abord avec la culture, avec les antennes de la culture qu'on capte les premiers signaux. Moi, j'aurais envie de dire que sur la recommandation, on a un peu le même phénomène qui se passe. C'est tout ce qui est intelligence artificielle, on en parle de plus en plus. La musique est un formidable terrain d'expérimentation pour l'intelligence artificielle. Donc, bien évidemment, avant d'arriver à être capable de recommander le bon titre au bon moment, ça veut dire qu'on aura fait des progrès formidables. Donc, c'est bien évidemment pas pour tout de suite. Ne serait-ce que parce que nous, je ne connais pas notre moyenne d'âge, mais je dois être à peu près dedans. Bah, déjà, on n'a pas toutes nos données de tout ce qu'on a écouté comme musique sur toute notre vie. Hein, on peut imaginer simplement que la nouvelle génération, si déjà il y a toute cette donnée-là, croisée avec des tas d'autres choses, il y aura moyen de faire beaucoup plus de choses. Donc simplement déjà sur ces données-là, il y a un truc dont on a assez peu parlé, c'est tout le social. Hein, après, c'est tout ce qui est partage sur les Facebook, Twitter, mais aussi Tumblr, je ne connais plus les noms de MySpace. Et puis maintenant tout ce qu'ils utilisent avec leur smartphone, là, les plus jeunes, les WhatsApp et autres, Snapchat. Il y a aussi tout cet échange, hein, qui compte énormément. Toi, tu disais tout à l'heure sur Elvis Presley, on a besoin de faire du scrolling pour savoir la date de sortie de l'album. Mais on sait aussi que deux titres qu'un ordinateur ne va pas faire la différence, va considérer qu'ils sont très similaires. Et puis, si on a un qui a été un tube et puis l'autre qui n'a pas été un tube, bah forcément, on ne va pas les écouter de la même manière. Alors que musicalement, ils sont finalement extrêmement proches. Donc, il y a un caractère social dans la musique. Il y a une valeur sociale aussi dans un titre. Ça va mettre vachement longtemps. Donc c'est vrai justement ouais. Sur la dimension sociale, c'est Nicolas qui disait pendant son intervention, la recommandation, elle se fait déjà, elle n'a pas été inventée avec le numérique, elle existe bien avant, par ses pairs, par ses pros, par les personnes qui sont affiliées, par la personne qui compte. Là, c'est mon expérience de disquaire et distribution numérique, c'est l'auditeur, il a peur de ce qui est inconnu. En fait, c'est humain, hein, c'est bien depuis sûr. L'homme de Cro-Magnon, on a peur de l'inconnu. On a besoin de quelqu'un qui nous accompagne vers l'inconnu, qui nous rassure. C'est le rôle du prescripteur, donc c'est le rôle de la médiathèque, mais c'est aussi le rôle du média, c'est aussi le rôle de l'ami, c'est le rôle de beaucoup de gens. L'algorithme, c'est toute cette intelligence artificielle, ça permet de comprendre les mécanismes, mais où est la recommandation, où est la légitimité que peut apporter une recommandation automatique? Ouais, alors là, je vais juste faire une toute petite digression, c'est que dans le métier de médiathécaire, bibliothécaire, il y a la partie recommandation, mais qui était en fait légitimée par le fait que vous étiez les gatekeepers, les gardiens de la caverne d'Ali Baba, dans laquelle il y avait les disques et les bouquins. Donc il fallait bien passer par vous pour les avoir. Et donc il y avait moyen de... Je ne sais plus qui d'entre vous disait hier, je suis un peu agressif avec le chaland pour le pousser à venir, etc. Aujourd'hui, j'ai besoin d'un bouquin ou d'écouter un titre. Évidemment, je n'ai plus besoin de passer par vous. Analogie, la même avec la presse. Hein. Avant, pour avoir accès à l'info, il fallait passer par le journal de journalisme. Maintenant, on peut avoir accès à l'info en direct. Et donc, comment est-ce qu'on arrive déjà à justifier son rôle de recommandeur? Comment est-ce qu'on arrive à trouver une légitimité, en fait, pour faire ce job-là? Le journaliste, pareil, il se dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant comme métier? Alors, je vais être fact-checker, je vais dire que l'info est vraie ou fausse, mais on voit que dans certains cas, ça ne marche pas, parce que même l'AFP peut diffuser des fausses informations officielles. Je vais être curator, alors je vais définir, mais bon, ce ne sont que mes critères et pas forcément celui des autres. Et puis pareil, on a aussi des robots hein, dans la presse qui commencent à... Alors qui d'abord lisent tous les articles et sont capables de faire des synthèses, mais qui commencent même à en écrire. Hein. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'articles de base qui sont écrits par des robots. Hein. Quand il y a un tremblement de terre quelque part, la première dépêche qui part en agence, elle est écrite par un robot maintenant. C'est pas un journaliste qui le fait. C'est un robot qui est branché directement sur le sismographe et qui peut dire qu'il y a eu un tremblement de terre. Il peut tweeter ça, envoyer ça en agence, etc. Donc, à défaut de dire déjà comment je vais faire pour le faire bien, je pense que peut-être la première question, c'est comment je peux le légitimer, que c'est moi qui le fais, d'autant plus qu'avec Internet, l'évolution de la société, on voit bien que les frontières entre amateurs et professionnels s'estompent. Hein, donc avant, entre un recommandeur de musique professionnel et amateur, il y en a un qui avait une grosse collection de disques et pas l'autre. Hein, maintenant, les deux ont à peu près la même collection de disques, donc c'est plus difficile aussi de se dire... Moi, je sais, et l'autre ne sait pas. Donc, le conflit n'est pas seulement entre la machine ou les dispositifs logiciels et le recommandeur officiel, mais il est aussi entre le recommandeur, enfin officiel, professionnel, on va dire, hein, comme le journaliste professionnel. Alors après, il y a des journalistes professionnels qui n'ont plus de carte de presse non plus. On ne sait plus. Voilà, on sait plus bien quelles sont les passerelles entre les deux. Comment je peux moi être capable d'être légitime et de défendre les valeurs d'une recommandation entre guillemets professionnelle de qualité objective par rapport à des tas de personnes qui vont s'inventer, qui vont recommander de la musique, et ils ont le droit, hein, heureusement, on est en démocratie, ils ont le droit. Donc ça, je pense que c'est un truc qui n'est pas évident et qu'il faut sans doute... c'est un truc à réinventer, c'est un truc à réinventer, c'est pour ça que je disais bienvenue au Club des métiers en cours de réinvention, c'est qu'il faut réinventer son métier et retrouver avec la foule, la légitimité, peut-être la conversation. Moi, hier, je suis venu moi exprès hier toute la journée pour vous écouter. Je vous ai pas beaucoup entendu parler d'Internet. Quoi. Je pense qu'il faut vraiment être à fond dedans et dans la relation avec la foule, et pas seulement dans le lieu physique, mais aussi sur le réseau. Et je pense que c'est peut-être une des manières de se battre avec la recommandation logicielle. Cela dit, la recommandation purement logicielle, à mon avis, elle va mettre énormément de temps avant d'être vraiment... Enfin, je ne sais pas si dans ma vie, je verrai une recommandation logicielle de meilleure qualité que celle d'un humain. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? On va vous laisser du temps pour parler. Oui, il y a un micro qui circule, il y a une question... Ça peut se programmer, on peut mettre un algorithme qui de sérendipité obligatoire, un facteur hasard. Si Alguier, elle n'est pas toujours bien placée, peut-être. C'est les majors qui veulent faire sortir un morceau, là ils se mettent de la subjectivité pour faire ressortir les titres qu'ils veulent booster, mais je parle autrement au niveau de l'appréhension artistique ou choses comme ça. La différence qu'il y a encore entre l'homme et la machine, c'est ça, quoi. C'est le fait d'aimer, éventuellement, le fait de dire, voilà, moi je l'aime, ouais. et parce que je l'aime. Vous avez remarqué tout ça, j'ai fait des fois des trucs qui s'apparentent à ça. On se rend bien compte que quand on fait écouter un morceau à quelqu'un, et qu'on lui a parlé avant, suivant ce qu'on lui dit, il va l'écouter totalement différemment. Hein. Ouais, mais alors là, c'est presque plus que de la recommandation. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais c'est parce qu'on amène de l'amour, on amène de l'humain, on amène un truc. La médiation. Ouais, c'est de la médiation, ouais, voilà. Plus que de la recommandation. C'est en plein dans le sujet. C'est aussi le métier de... Donc oui, la subjectivité. Est-ce que le rôle de tous ces algorithmes, c'est pas de justement d'avoir tous les outils pour tous les curateurs du monde pour pouvoir créer Oui, pour apporter juste la subtilité. Et... Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que nous, comme je disais, on n'a pas vocation à remplacer l'humain ou la recommandation qui est faite par les curateurs, par ceux qui savent, par ceux qui ont des, je sais pas moi, des anecdotes autour de musique. Non, non, nous, c'est pas du tout ça. Et puis, bien souvent, enfin, bien souvent, non, mais comment dire, notre technologie, nos outils sont peuvent et vont être parfois employés dans en tant qu'outil interne de curation, c'est-à-dire pour par exemple certains prospects qu'on a, c'est qui ont des très grosses bases musicales et l'intérêt est je pense à une société, une grosse société qui fait de la sonorisation de magasins au niveau mondial. Donc eux, ils ont énormément de producteurs, de gens qui vont étudier l'image de la marque, du magasin, voir quelle est la clientèle, etc., et créer des playlists très très précisément pour le magasin ou la marque. Bah nous, on est juste un outil interne pour l'équipe de curation. Ils disposent d'une base énorme de plusieurs millions de titres et ils se rendent compte qu'ils placent en magasin à peu près 10% de ce catalogue-là. Donc avec nous, ils arrivent à avoir un peu de diversité dans leurs recommandations, aller chercher plein de titres similaires, etc. Mais ça, c'est pas on n'est pas en relation nous avec l'utilisateur. C'est un outil de curation interne. Idem pour de la synchronisation, par exemple. Prenons Universal. Ils ont un très très gros service de synchro, donc avec personnes qui travaillent à trouver la bonne musique pour une publicité ou pour un projet. Voilà. Nous, c'est pareil. Notre travail, c'est juste d'aller taguer une base. Donc, je dis Universal, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Taguer cette base-là, leur donner des outils, des données dont ces équipes-là vont se servir pour amener un peu de nouveauté dans ce qu'ils vont pouvoir recommander. Donc, non, effectivement, nous, on n'est pas... En tout cas, à notre niveau, on n'est pas... Alors, il y a certaines sociétés qui font... Moi, je pense à Pandora aux États-Unis. Eux, c'est très différent. Ils ont mis énormément de... ils ont un mix d'algorithmes plus humains. Et c'est pour ça que Pandora ne travaille que, entre guillemets, avec un peu moins d'un million de titres. Et ce, depuis 10 ans. Parce que juste, ils ont des centaines de personnes qui travaillent à taguer à la main et rajouter ces données. C'est-à-dire d'avoir vraiment une couche subjective, apporter des mots-clés de description très précis. Et eux, pour le coup, comme ils font ça à la main et vraiment en équipe avec chacun leur spécialité, ils sont quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qualifiants que nous. Hein, c'est clair et net, hein, bien sûr. Nous, je veux dire, on a une quinzaine de données acoustiques. Après, on va en ajouter quelques dizaines mais de descriptions vraiment objectives, hein, d'où ça vient, quelle est la langue des paroles, etc. Ben on n'a pas, eux, c'est 4000 points de données. Je crois que c'est énorme. Hein, donc, pour répondre à votre question, ne vous en faites pas. Hein, on n'est pas encore, à ce niveau-là. Voilà. Une question là. Il y a une autre là-haut. Monsieur en rouge devant. Là. Oui, j'ai l'impression qu'il y a tout petit décalage, pas forcément un malentendu. Enfin, c'est très intéressant. On parle là de la musique comme un outil pour faire du marketing, un outil pour vendre, un outil pour créer une ambiance. La musique comme matériel, au même titre que le visuel d'un magasin pour rester sur cette image-là, etc. C'est un petit peu comme le vin. J'aime bien qu'on peut faire cette comparaison-là. Quand on boit du vin, c'est pas pour se désaltérer, c'est pas pour lutter contre un risque de mort de soif. C'est pour passer un moment ensemble, c'est pour le plaisir du vin. Si un algorithme nous dit « ce vin-là, c'est le meilleur », bon, il aura peut-être raison, peut-être qu'on va confirmer, peut-être pas. Là, ça commence déjà à être intéressant si une discussion s'engage. Mais ce qui compte, c'est aussi le contexte du vin. C'est-à-dire, on a eu un contact avec le producteur, on en a parlé, et puis ce qui a été dit, la façon de le présenter, puisque c'est moi qui propose ce vin, c'est moi qui propose cette musique avec une anecdote, etc., la personne va l'écouter d'une manière un petit peu différente et pas de manière objective, neutre, à la manière d'une machine. Est-ce que là, avec ces systèmes-là, on ne crée pas... est-ce que les robots ne créent pas des propositions d'écoute à destination de robots ou de gens robotisés parce qu'ils sont en contexte de... Enfin, ils sont d'abord un porte-monnaie dans le magasin la plupart du temps. Un disquaire, ça peut être différent. Hein, mais voilà, nous, les bibliothèques, on aborde la musique pour elle-même et pour ce qui se passe autour de la musique, sans le côté, utile. Hein, après, qu'est-ce qu'on met derrière utile, évidemment ? Utilitaire, d'accord. Moi, je pense que vous avez entièrement raison. Et c'est justement ça, dans le cadre de la réinvention du métier, c'est ce genre d'argument sur lesquels il faut creuser et sur lesquels il faut réinventer. C'est-à-dire qu'est-ce que... À côté de ça, en effet, on a des robots qui font des tas de choses et ça peut être aussi très utile. Et pour répondre sur la musique, sans doute que le fait que le marché de la rondelle en plastique se casse la figure fait qu'en effet, les opérateurs qui produisent la musique ou qui investissent sur les artistes, bah, pour recouper leurs investissements, ils cherchent à développer d'autres valeurs marchandes qui sont un peu moins le disque, puisqu'il se vend un peu moins, et un peu plus tout ce qui va être droit de synchro ou droit voisin par de la diffusion en magasin ou utilisation de musique avec les marques, branded content, etc. Hein, donc c'est un mouvement qui est pas, qu'on peut difficilement... comment dire, c'est un mouvement commercial, comme peut-être il y a 100 ans, des artistes ne voulaient pas enregistrer sur disque en disant pour moi, la musique, c'est vivant, ce n'est pas un objet commercial qui se vend. On va peut-être avoir les mêmes problématiques aujourd'hui entre ceux qui diront pour moi, la musique, c'est le disque et ce n'est pas ce marché-là. Mais là, on a une évolution de l'économie qui fait qu'on va plus chercher aujourd'hui des revenus dans ce domaine-là que dans le fait de vendre un produit. On voit que c'est en train de se casser la figure, Nicolas, lentement mais sûrement. Nicolas, la musique, c'est du vin. Le rôle d'Archimède, le rôle du web sémantique, c'est pas justement de ranger sa cave, parce que c'est un peu le bordel, il y a trop de bouteilles. Je pense que ça rejoint un petit peu ce que Rodolphe nous a dit, en fait. Hein, c'est que déjà, c'est proposer des systèmes, des systèmes qui permettent justement de proposer la vie autour du vin. Et en fait, alors je ne veux pas faire un truc à Hachette ou le guide Hachette ou le guide Parker. On ne fera pas de parallèle parce que tu t'appelles non. Nicolas non plus. Voilà. En plus. Mais l'idée, c'est vraiment que nous, on puisse vous proposer un système qui sera vraiment humain, en fait, dans un sens. C'est-à-dire que là, vous pourrez dire, voilà, je vous fais une sélection autour du jazz, je vous fais une sélection autour du rock, je vous fais une sélection autour du punk. Et après, je peux aussi vous mettre des avis détaillés, faire des comparaisons, faire des systèmes de curation. Parce que du coup, ça va vous permettre aussi de comparer, de dire, voilà, dans ma sélection, on va pouvoir éditorialiser. Donc, c'est-à-dire aussi mettre en contexte et dans une certaine... en tout cas, mettre en contexte. Et ensuite, la question, c'est, enfin, pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi la question de la temporalité, je pense. Enfin, ça me paraît extrêmement important, en fait. Et peut-être que justement, le système informatique, le logiciel de bibliothèque, le portail ou l'outil, c'est donner du sens au temps, en fait. Et un vin, il a plus de goût au bout de 3 heures. Peut-être qu'un CD, en lui laissant la place, il y a toute la question de la longue traîne, par exemple. Un catalogue de médiathèque, c'est une énorme longue traîne. Et un vin qui a vécu 30 ans, il a peut-être plus de goût que le vin qui a 2 ans ou 1 an. Voilà. Et pour Mais est-ce que tout le monde est OK avec le concept de la longue traîne? On n'a perdu personne? Non. Non. On n'a perdu personne? Vous voulez qu'on explique? Oui, alors la longue traîne, tu vas juger? Oui, plus ou moins. En fait, la longue traîne, c'est la possibilité d'avoir du stock. Et c'est pour ça qu'Amazon est, entre guillemets, le champion de la longue traîne, puisqu'il a un stock. Alors la théorie de la longue traîne, ça part sur une reproduction d'une règle économique, la loi de Pareto, qui dit que 80% du chiffre d'affaires sur une gamme de produits est généré par 20% des produits. Donc vous avez 20% d'une type de confiture qui va générer 80% du chiffre d'affaires, ce qui veut dire qu'il y a 80% des marques de confiture qui génèrent que 20% du chiffre d'affaires. Quand on est sur un modèle qui est dématérialisé, où il n'y a plus la problématique de stock, on part du principe que la richesse, elle n'est pas dans les 20% qui sont très marketés et qui génèrent 80% du chiffre, mais elles sont dans les 80% qui sont peu marketés et qui, sans investissement marketing, vont pouvoir vous faire gagner de l'argent. Ça, c'est la théorie. C'est la grande loi théorique de 2006 des internets. Soyez pas connus, allez sur Internet, vous allez être connus parce qu'il y a la longue traîne. L'effet, c'est que cette loi économique, elle s'applique quand on a un gros catalogue en exploitation, quand on a un distributeur numérique comme Bidiv Digital, où là, vous pouvez en effet avoir une rente, des revenus qui viennent régulièrement sur des petites exploitations. Mais c'est économiquement pas viable pour le contenu. La pratique, c'est même quasiment l'inverse que la longue traîne. C'est-à-dire que c'est plus 80-20, mais ouais, c'est 90-10. Hein. C'est-à-dire que c'est quelques références qui font énormément du marché. Et puis ensuite, la courbe, elle s'écroule extrêmement rapidement. Et après, elle tombe comme une falaise, en fait. Mais ça veut dire qu'on a 80% d'amateurs, 10% de gens qui arrivent vaguement à vivre de leur métier, et puis 1% de stars qui représentent 77% des revenus de la musique. Hein. Je crois que c'est 1% des artistes concentrent 77% des revenus. La courbe est vraiment devenue très rectiligne, c'est-à-dire que ce qu'on appelait la classe moyenne, très chère à nos amis de la DAMI, est vraiment en perte de disparition. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que la partie hit a vraiment beaucoup plus monté. Là, aujourd'hui, il y a 600 000 personnes qui ont écouté Happy sur YouTube, comme tous les jours. Voilà, c'est. Juste ce que je voudrais peut-être rajouter, c'est que finalement, les 1%, c'est vous, en fait. Enfin, je ne sais pas. Voilà. On est les acteurs qui peuvent permettre d'apporter autre chose qu'une. Parce que ça aboutit à une globalisation de l'offre, vu qu'il y a une centralisation des écoutes. Oui, bien sûr, et c'est pour ça que quand on voit ça, on se dit qu'il y a besoin d'outils comme les nôtres dans ces grosses bases, dans ces bases qui sont absolument colossales, pour juste pouvoir offrir des outils de recherche, des outils de similarité, des outils de classement, c'est tout. Voilà. Mais parce que voilà, c'est un fait, 90% du contenu est quasiment inexploité. Il y a 20% du catalogue de Spotify qui n'a jamais été écouté, ne serait-ce qu'une seule fois. Donc sur 30 millions de titres, c'est absolument énorme. Et la proportion de titres qui a été écouté entre une et mille fois, c'est pas grand-chose dans le streaming. C'est colossal, et comme disait Rémi, c'est 1% des artistes génèrent 77% des revenus. Donc des outils comme les nôtres, dans ce cadre-là, ont une légitimité. Voilà. Mais après, effectivement, on n'est pas là pour recommander le... Enfin, comment dire... voilà, on ne fait pas votre métier, clairement. Nous, on offre des outils, on est une boîte à outils pour ces très grosses bases. Voilà, c'est IKEA, une solution de rangement pour plus facilement trouver ses affaires. Et quand on fait des applications spécifiques, là, on travaille avec des acteurs spécifiques pour leur créer. On est des développeurs, on va créer une expérience. Voilà. Rémi, rapidement, après on prend une question dans le public. Ouais, il y a deux points essentiels dont je voulais parler avant que ça se termine. C'est l'aspect des données ouvertes, ce qu'on appelle l'open data. Hein, sur tout ce qui est données d'identification de base, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, tu as parlé de l'ISNI, donc, qui est la donnée sur les interprètes, hein, International Standard Interprete Name ou un truc comme ça, les données de qui est l'auteur, qui est le producteur, qui sont les artistes, etc. Éventuellement, que les œuvres existent ou pas et où elles ont été, comment dire, qui les a interprétées. Selon moi, ce sont des données qui devraient être accessibles à tout le monde. Alors aujourd'hui, dans le domaine... public, BNF, Radio France, etc. Tant mieux avec ce dont tu parlais, c'est une bonne nouvelle, qui commence à travailler ensemble. Il est temps, parce que pour l'instant, on a plusieurs bases qui se développent, comme ça, chacun dans son coin, avec ses normes, qui ne communiquent pas entre elles, et qui sont toutes financées avec de l'argent public, et auxquelles, finalement, le public n'a pas accès, ou pas bien. Donc, Rodolphe, mise en commun. Donc là, il y a un truc vraiment à faire et il faut se bouger, il faut aller vite, parce que sinon, les bases les plus intéressantes, on va les trouver aux États-Unis ou dans un. Alors ensuite, qu'il y ait un business de la base de données, moi, ça me dérange pas. À partir du moment où on l'enrichit, on ajoute de la valeur, on ajoute éventuellement des choses qui sont sous droit, d'abord les titres ou les pochettes ou des chroniques dans la presse ou de l'information enrichie. Ok, mais juste sur l'identification, savoir que ça existe ou pas. C'est un peu comme les cartes, hein, maintenant. Les cartes, on sait que c'est ouvert. Google Maps, c'est ouvert. On n'a pas besoin d'acheter la carte pour savoir s'il y a une rue ou pas une rue. Donc là-dessus, je pense qu'il faut progresser. Et puis, de toute façon, dans le domaine des services publics, avec les lois qui sont passées récemment et le contexte autour de la donnée ouverte, on va avoir une nécessité, de toute façon, pour la BNF Radio France de transformer. Ça, c'est un point. Un deuxième point, très rapidement, c'est l'algorithme. Donc, avoir peur ou pas de l'algorithme, ça c'est un débat. Il y en a qui vont dire j'ai peur des robots et d'autres qui vont dire j'ai pas peur. Mais là, il y a quand même une vraie question de qu'est-ce qu'il y a dans l'algorithme. C'est-à-dire que on est un pays dans lequel on essaye de soutenir la culture, l'exception culturelle. Enfin, on se pose des tas de questions par rapport à ça. Vous voyez les radios, on met des quotas sur les radios, on fait des choses comme ça. Les algorithmes, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc on peut faire totale confiance à Hugo en disant il essaye de faire un bon boulot, puis de toute façon il a sa boîte à développer, il a des clients à trouver, donc il va faire le meilleur boulot possible. On peut lui faire confiance. On peut faire confiance à Google, c'est un algorithme, hein, Google, pour qu'il vous donne le meilleur site sur lequel aller quand vous voulez sur Internet. Sauf que le jour où il décide de changer l'algorithme, ils ne vous ont pas consulté, vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas vraiment ce qu'il y a dedans, etc. Donc il y a sans doute une question à se poser en ayant peur ou pas des algorithmes, encore une fois, ce n'est pas une histoire de peur du robot ou pas peur du robot, mais c'est de se demander si le citoyen... et éventuellement les États qui le représentent ne doivent pas avoir un certain droit de regard sur l'algorithme, une certaine manière de régulation de l'algorithme. Voilà, c'est une question ouverte, hein, je n'ai pas forcément la réponse, mais je pense que c'est une vraie question et qu'on n'est pas à l'abri de se la poser de plus en plus. Donc un algorithme n'est pas neutre, même si c'est bien une formule que mathématique. Ouais. Par rapport à toutes ces données qui traînent de partout, il y a les données publiques dont parlait Rémi, mais il n'y a pas que ça. Il y a par exemple la base d'œuvres ISWC, qui regroupe toutes les œuvres qui sont déposées en société d'auteur. Il y a la base ISRC de tous les enregistrements. Dans le cadre de ce projet. Qui sont publics, qui sont de fait publics. Je rappelle que quand on a un standard international IIS, International Standard, de fait, donc pour avoir cet agrément de standard, pour être un standard ISO, International Standard Organisation, ISWC International Standard Writer, je ne sais plus, Composer. Donc si on a le standard, c'est que de fait, on doit donner un accès public à ces bases. C'est écrit ouais, alors, dans le standard. C'est même des bases qui ne sont pas justement complètement sur le web de données, complètement ouvertes. Elles ne sont pas ouvertes physiquement, mais théoriquement, elles devraient l'être. Voilà. Là, nous, en tout cas, le projet d'Oremus pour lequel on a reçu les financements de l'Agence nationale de la recherche en France, c'est bien de mettre sur le web de données, donc totalement ouverte, un entrepôt qui va décrire toutes les œuvres musicales qu'on a dans chacun des trois institutions. Donc ça va représenter quand même pas mal d'œuvres, sachant qu'on va se limiter pour l'instant au domaine du classique et des musiques du monde. Voilà. Mais donc c'est tout à l'heure j'ai parlé de linked open data, pas de linked data. Pourquoi que classique et musique du monde quand 90% des Français écoutent autre chose? Parce que d'un point de vue, en fin parce de compte... Parce que c'est les plus durs à traiter. Une fois que tu peux traiter du classique, tu peux tout traiter. C'est ça, en fait. C'est exactement ça la raison. C'est que c'est les deux choses les plus éloignées, quoi, la musique traditionnelle et musique classique. Et c'est les choses les plus complexes à décrire. Et qu'on se dit que si on a trouvé un modèle, si on se met d'accord sur un modèle qui permet de décrire ces deux extrêmes, alors on pourra décrire le reste. Bon, évidemment aussi, peut-être qu'à la Philharmonie de Paris, on a un peu plus de classique que de musique traditionnelle. Enfin, disons que musique actuelle, ça c'est clair, ça vient aussi de nos catalogues, mais c'est surtout un problème de... C'est un projet de recherche. Hein, donc l'idée, c'est d'arriver à un modèle qui soit applicable dans tous les champs musicaux, mais on ne peut pas tout faire, on n'a que trois ans. Voilà, c'est tout. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Parce que si on commence par les musiques actuelles, on va créer un système comme Apple qui ne marche pas pour les musiques qui ne sont pas musiques actuelles. Bonjour, moi je voulais juste rajouter un petit truc sur la notion d'algorithme que je trouve particulièrement intéressante. Mais ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est toute la base de l'algorithme, c'est la notion de similarité, de congruence. C'est-à-dire qu'on apprend à une machine à reconnaître des critères congruents dans différents morceaux. Donc, de fait, ce qu'on sait le mieux aujourd'hui faire avec un algorithme, c'est obtenir la chose qui ressemble le plus à la chose qu'on avait en référence. Je crois que le travail aujourd'hui des bibliothécaires, en tout cas, il est clair, c'est justement d'ouvrir les oreilles des gens, donc, en fin de compte, de leur proposer surtout pas ce qu'ils sont venus chercher, pas ce qu'ils souhaitaient, pas ce que les oreilles, leurs oreilles demandaient, mais d'autres choses et de les ouvrir. Si on avait fait un algorithme qui donnait à manger à un enfant et qu'on lui avait proposé à 4-5 ans, ben l'algorithme il ferait que proposer des patates et des pâtes au jambon. Voilà, pâtes au jambon tous les jours parce qu'il aime les pâtes au jambon. Donc je crois que bibliothécaires et algorithmes vont apprendre à travailler ensemble, mais ça reste un outil, c'est juste un nouvel outil. Voilà. Alors, juste un mot sur l'algorithme, il ne faut pas penser que l'algorithme ça n'est que ça. L'algorithme c'est en fait, un algorithme, c'est une procédure logique qui permet d'aboutir à un choix. Donc, dans ce dont a parlé Hugo, il y a la similarité, mais l'algorithme, il va intégrer aussi tout ce que vous avez déjà écouté avant. Il peut intégrer votre univers social, il peut intégrer le contexte, et il peut très bien être programmé pour vous proposer justement un titre différent de celui que vous venez d'écouter. Hein, il ne faut pas penser que l'algorithme, ce n'est pas que le truc d'Amazon, vous avez aimé, vous aimerez, ce que les autres ont aimé. Quoi. C'est de plus en plus complexe, de plus en plus intelligent, et c'est capable de faire autre chose que de proposer seulement le même titre. Nico. Si on suit un certain nombre de fois, une cinquantaine, la recommandation de YouTube, on se retrouve tous sur la page d'accueil. Donc, il y a bien un effet d'entonnoir à culture, et aujourd'hui, les critères utilisés, qui sont souvent les choses les plus populaires, sont particulièrement anti-découvertes. Donc, je ne remets pas en cause l'algorithme. Le métier de YouTube, c'est de vendre de la publicité, c'est pas de faire découvrir des artistes. De fait, je suis bien d'accord avec vous. Donc, de fait, l'algorithme, en effet, n'est pas mauvais, mais il va vraiment falloir qu'on apprenne à en faire quelque chose d'autre que du commerce. Il faut qu'on apprenne à ne plus dire que YouTube a un algorithme de recommandation musicale, il a un algorithme de recommandation de vidéos qu'on a envie de voir pour pouvoir se taper la pub avant, ce qui n'est pas la même chose. Si tu n'aimes pas Michel Sardou, c'est que tu aimes Michel Delpech, c'est un truc qu'on peut faire avec Archimède, ça c'est, C'est dur, c'est dur quand même. Non, mais utiliser justement de chercher les similarités, chercher les différences. On ne sera pas forcément sur les mêmes, la même qualité de l'algorithme de Sunditix, c'est ça. Ça va être sûrement beaucoup moins. Ce qui est sûr, c'est que nous, on va surtout partir des prêts déjà et des usages du portail. Donc c'est-à-dire qu'on va vraiment partir de la pratique du catalogue. Donc du coup, forcément, on aura beaucoup moins de... Parce que, et la deuxième chose, surtout, c'est qu'on n'a pas le document primaire. Mmh. Et ça, voilà. On est en train de mettre en place des bases de données qu'on peut injecter dans le catalogue, mais jamais on pourra récupérer l'API qui va me permettre d'analyser le document, en fait. Et ça sera sûrement ça la limite des catalogues de bibliothèques, c'est que là, on est obligé de rester dans le modèle de la description et des métadonnées. Par contre, après, on peut... c'est toujours des systèmes de contournement, mais on ne sera jamais à ce niveau-là. En fait, ça, c'est pas, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ouais. Créer de la recommandation surprenante, mais sur la base de description. C'est pour ça que l'idée, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous, il faut qu'on s'appuie sur le travail des professionnels. Parce que c'est eux qui ont la plus-value, en fait, finalement. Parce que c'est eux qui vont pouvoir décrire. C'est les données, et c'est les données qui sont produites par les professionnels, que ce soit les professionnels de la description des documents ou les professionnels... entre guillemets, de la programmation musicale dans les émissions de radio ou dans les concerts. Après, ce que ça va donner, on n'en sait rien. Encore une fois, c'est un projet de recherche, donc c'est peut-être pas forcément intéressant d'aller regarder toutes les programmations depuis le début du siècle. Mais c'est ce que vous disiez, effectivement, quand on se rend compte que telle œuvre est programmée après telle autre, on peut très bien dire à l'algorithme, justement, ne programme pas celle-là après, mais programme-en une autre. Ça va être paramétrable. Voilà. Il y a une question. Vas-y. Je finis juste. Par contre, il y a quelque chose que je vais dire. C'est un peu iconoclaste, mais par contre, là où ça peut être intéressant, c'est tout à l'heure, je vous montrais comment on fait pour injecter ce qui existe dans DBpedia, dans le web sémantique. DBpedia, c'est Wikipédia. Donc l'idée, c'est que si vous voulez enrichir vos catalogues, enrichissez Wikipédia. Et peut-être que si vous tous vous travaillez dans Wikipédia, là vous enrichirez tous les catalogues de toutes les médiathèques de France, en fait, que ce soit Archimède ou pas Archimède. Oui, nous c'est pareil, on commence à aller chercher des informations ailleurs, notamment à DBpedia. Je voulais juste redire aussi que on parle de recommandations, mais le web sémantique, ça peut être une application, quoi, de lier les données pour aller en chercher ailleurs, pour recommander, mais c'est évidemment pas que ça, c'est un ensemble d'autres super applications qui viendront dans le futur. Celle de pouvoir classer, celle de ne pas pouvoir perdre des données pour commencer déjà. Par exemple. J'avais une question à la salle, c'est, il y a un autre élément, vous, dans votre algorithme, et je ne sais pas jusqu'où vous les prenez en compte, ou ce que vous avez comme outil, c'est qu'est-ce que les gens écoutent sur ma zone de chalandise, en fait. Donc s'il y a des fanzines, s'il y a des radios locales, est-ce que c'est des infos que vous allez chercher, c'est-à-dire ce que les gens écoutent, pas forcément ceux qui viennent dans le lieu, mais ceux qui habitent autour. Est-ce que, je pense à un Shazam, qui peut permettre de savoir ce que les gens Shazam de façon assez localisée, et on peut faire des tops, je pense que sur Metz, si on cherche le top à Metz, on a le top Shazam. Est-ce que c'est des infos dont vous pourriez avoir besoin de se dire aussi, je veux nourrir moi mon algorithme humain, en quelque sorte, du maximum de data sur les usages des gens qui viennent en bibliothèque, les retraits, etc., mais aussi qu'est-ce qu'ils ont comme environnement média autour. J'imagine quand il y a des concerts, beaucoup d'entre vous font des choses. Voilà, comment et est-ce que là-dessus, c'est encore une fois cette question de données ouvertes, c'est qu'on est dans un monde aujourd'hui où la donnée devient un outil de valeur économique, et c'est celui qui aura la donnée qui va pouvoir dire, je sais que dans telle ville, les gens aiment tel artiste, donc je monte le concert. Si vous avez moyen aussi d'avoir ces données-là, ça vous permettra éventuellement d'aller chercher des usagers qui viendront avec certains titres, de les attirer avec certaines choses pour ensuite justement leur recommander autre chose. Donc je pense que c'est aussi une vraie question, ça, de savoir qu'est-ce que vous, à quelles données vous pourrez avoir accès pour faire votre recommandation musicale. C'est le métier de la recommandation, de s'imprégner de l'univers où on est. Une autre question dans la salle ? Oui, mais c'est l'accès aux données. Oui, bonjour. Rémi vient plus ou moins de répondre à ma question, en fait. Je me posais vraiment la question de l'économie du big data et de la recommandation. Je suis un peu perdu, là. À savoir, on a parlé de diversité. Est-ce qu'il y a une menace pour la diversité? Qui va être le nouveau gardien du temple? Est-ce qu'il va y avoir une bataille pour la data ou je ne sais pas quoi, parce qu'on parle de, on parle d'économie, on parle de placement de produits, vous dites que vous travaillez avec des majors, quid des labels indépendants, quid des artistes autoproduits, est-ce qu'eux, ils peuvent se placer, être référencés sur ces données et se retrouver dans des algorithmes de recommandation? Alors Hugo, Sunditik, c'est pas gratuit, il faut bien manger, donc il faut des clients. C'est quoi le marché de la data? Non, bien sûr. Enfin, nous, quand je vous dis qu'on travaille avec des majors, c'est dans le cadre de partenariats pour des applications spécifiques. Hein, voilà. Parce que c'est eux qui ont accès. Enfin, c'est eux qui ont le catalogue. Donc nous, quand on veut travailler avec du catalogue, il faut bien qu'on aille le chercher quelque part. Et on peut pas aller pirater Deezer, on peut pas aller pirater Spotify pour extraire nos données et puis les vendre sous le manteau comme ça. Donc on est obligé d'aller voir les ayants droit, ceux qui ont le catalogue, pour travailler avec eux. Et effectivement, ceux qui sont, là, je dirais, les plus ouverts aujourd'hui à avoir des partenariats avec des startups comme nous, où nous on peut pas payer une licence très très chère pour avoir accès à un catalogue. Travailler dessus le vent, on n'a pas cette puissance là, donc on est obligé de mettre en place certains partenariats comme que eux ils placent leurs produits dans certaines applications spécifiques, quoi, pour faire voilà. Après, avec les labels indépendants et etc., oui, nous c'est quelque chose qui nous intéresse énormément, et d'ailleurs on compte bien travailler avec des structures, s'adresser à des structures comme Merlin ou autres pour pouvoir, mais il nous faudrait une vraie porte d'entrée, si vous voulez, à un grand nombre de labels indépendants. Moi, je peux pas aller voir chaque label, leur dire, écoutez, je peux analyser votre catalogue et puis ensuite essayer de le placer. Nous, nos algorithmes sont très efficaces quand il y a énormément de titres. Hein, voilà. Donc, pour l'instant, on commence, on est tout petit encore, avec... on va voir les grandes portes d'entrée et puis on voit comment on peut placer leur catalogue ailleurs. Rémi, les... Ouais, alors moi je vous invite à aller voir sur Wikipédia un truc qui s'appelle la loi de Metcalf, M-E-T-C-A-L-F-E, hein, qui est une loi qui détermine la valeur d'un réseau, en fait. Et la valeur d'un réseau, elle augmente au carré du nombre d'utilisateurs. Hein, donc si vous avez 10 utilisateurs dans votre réseau, la valeur de votre réseau c'est 100. Si vous rajoutez un 11e utilisateur, la valeur de votre réseau c'est 121. Donc vous avez rajouté un 10% d'utilisateurs et votre réseau il est 20% plus puissant. C'est une des choses qui explique le fait que sur Internet, vous avez bien remarqué qu'on a un Google qui a 95% du marché de la recherche, un Facebook qui a 70% du marché des réseaux sociaux, un Apple qui a 90% du marché du téléchargement de titres. Donc il y a une concentration. Il y a de fait quelque chose qui en effet génère une concentration. Et quand vous avez des data, la loi de Metcalf elle s'applique. C'est-à-dire que plus vous avez de data, plus vos data ont de la valeur. Hein, si vous avez des data sur un seul usage et sur quelques individus, vous n'en ferez pas grand-chose. Mais si vous avez des data sur beaucoup d'usages sur quelques individus, ça vous permettra éventuellement de leur vendre des trucs. Par exemple, vous savez qu'est-ce qu'ils écoutent comme musique, mais par exemple, ils veulent acheter une poussette. Donc, ok, on connaît. Et puis, si vous avez plein de data sur plein d'individus, bah, évidemment, vous êtes beaucoup plus gros. Donc, là, il y a une vraie question, je pense, en effet, qui se pose en termes de concurrence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde la concurrence, on se dit finalement, Universal, ils ont 40% du marché, c'est pas très grave, c'est encore possible. En fait, c'est pas sûr, parce que quand ils signent un accord justement de données avec Havas, je sais pas si vous avez vu ça dans la presse, il y a un mois ou deux, donc Universal Music va apporter toutes ces données utilisateurs à Havas, donc chaque fois que vous écoutez sur Spotify, sur Deezer ou autre, un titre Universal, c'est susceptible de remonter à un moment et d'être traité avec une grosse agence publicitaire qui s'appelle Havas. Et éventuellement, ça peut faire des machins énormes qu'en effet, on ne peut plus concurrencer. Donc on peut avoir peur. Et en même temps, souvenez-vous, quand on était jeune, je ne sais pas si qui se souvient d'un titre de Patrick Abrial, c'était 67, je crois, qui était Le Grand Ordinateur. Il disait, si tu écoutes Le Grand Ordinateur, si tu écoutes la machine, on va tous être robotisés, ça va être affreux, ça va être terrible. Et puis finalement, 10 ans après, est née la micro-informatique, sont nés les pirates, les hackers, et l'informatique est aussi devenue un outil de liberté. Donc c'est très difficile de prévoir, de prédire. Je pense qu'il faut éviter de faire de l'idéologie sur le futur par rapport à ça. Essayer de voir quelles sont les lignes de force, mais peut-être qu'en même temps, toutes ces datas seront aussi des moyens de libération de l'individu. Hein, moi, je pense notamment à un, c'est-à-dire si je regarde TF1 aujourd'hui ou si j'écoute Énergie, eh ben, on me met ce que tout le monde est censé aimer, alors que demain, avec le big data, ben, peut-être qu'on me mettra vraiment moins ce que j'aime et que finalement, ça va aussi m'arranger et me permettre justement d'écouter les labels indépendants, etc. Donc, globalisation des acteurs, mais aussi des terres de résistance, et puis c'est ce qu'on arrive à proposer comme service dans sa petite base, ce qui peut aussi donner de la valeur. On a l'exemple avec Cobos pour la vente de musique, et puis on a l'exemple chez vous avec votre travail sur le terrain de Mediatek, et accompagné d'outils qui permettent de bien ranger les données pour mieux les trouver, qui peuvent aussi apporter ce qu'on ne va pas trouver dans ce monde globalisé. On a juste le temps encore d'une question rapide, et après on va manger. Bonjour. Du coup, vous parlez en fait au niveau du titre, de la chanson. Or, de plus en plus, on est dans une société de storytelling. Et en sous-main de ces chansons, il y a une histoire, des fois complètement inventée, parfois une vraie histoire, et ça influe énormément sur le choix des gens. D'où le fait peut-être qu'ils ne cherchent pas à découvrir tant de ça que de titres, puisqu'en fait, ils aiment écouter des choses dont ils connaissent une petite chose sensible en plus. Ça rejoint un peu la question de tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il en est dans tout ce big data de cette notion de faire passer la chose en plus qui fait qu'on va s'intéresser à cette chanson et que quand on l'entend, on ne reconnaît pas seulement la chanson, mais une belle histoire, quoi. Alors les gens, ils ont plus envie d'écouter des histoires qu'écouter de la musique, et il faut qu'on leur raconte des histoires pour qu'ils écoutent de la musique. Rodolphe, c'est le web sémantique, c'est aller piocher partout, c'est donner la capacité d'avoir les éléments pour raconter les histoires. C'est une piste ou ça sera pour la V2 quand on aura fini de Rébus ? Ce sera la V3, je crois. Là. Mais si on s'en tient au travail fait par justement les documentalistes, on peut très bien avoir des œuvres qui sont très bien décrites avec du texte qui vous rattache l'histoire à l'œuvre. Hein. C'est pas là, on n'est pas complètement dans l'imaginaire. Donc après, non, c'est la V3. Ouais. Nicolas. Raconter des histoires. Oui. Hier, on parlait de la question des livrets dans les CD, qui aujourd'hui semblent réapparaître, du coup, mais qui ont quand même grandement disparu pendant quelques mois, quelques années, avec toutes les questions autour du streaming. Déjà, un premier élément de réponse. Et la deuxième chose, c'est... alors ça, c'est pas mon... Voilà, je parle pas d'informaticien, là, je parle... quand j'écoutais un CD sur un... Voilà, je regardais derrière la question des remerciements. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît hyper... très important. Parce que ça permet de voir justement la question des influences. Ça permet de dire, voilà, tel CD a eu telle personne qui l'ont influencé, qui l'ont alimenté, nourri. Et ça fait partie des choses qui manquent sûrement aujourd'hui. Raconter des histoires. Modéliser, hein, tout ça. Ça, c'est certain. Raconter des histoires, savoir quelqu'un qui raconte une histoire, savoir un conteur, Hugo. Oui, non, mais c'est beaucoup de ces informations sont contenues dans les livrets. Et ça, nous, si on voulait pouvoir raconter ces histoires-là ou avoir accès à ces données-là, il faudrait qu'on puisse avoir cet accès-là. Or, aujourd'hui, les livrets, on ne les trouve pas. Vous parlez des artistes autoproduits, mais aujourd'hui, trouver un livret en numérique d'artistes autoproduits, surtout à grande échelle, c'est impossible. Donc, il y a certaines plateformes qui commencent à le faire, type Cobuzz ou autre. Il y a des bases de données qui s'enrichissent, hein, l'AstFM ou autre. Mais évidemment DBpedia ou enfin Wikipédia, mais nous on n'a pas, voilà, ça c'était le travail des labels au moment de la numérisation, c'était le travail des distributeurs il y a 10 ans, voilà, et ça on n'a pas accès à ces infos là donc on aimerait bien sûr, plus on aurait de données, plus on pourrait faire des choses affinables, des choses subjectives, mais là on n'a pas accès à ces données là on raconte des histoires subjectives. Le brand d'être content aussi, hein, qui est un truc qui se développe de plus en plus justement dans le financement de la musique, le fait de se dire là où je peux aller chercher de l'argent, c'est auprès de marques qui vont soutenir un titre, mais qui vont éventuellement soutenir un artiste. Hein, et là, on va raconter une histoire, mais c'est plus une histoire totalement... Enfin, c'est une histoire avec une raison d'être commerciale, parce que c'est le lien entre la musique qui va toucher une certaine cible de gens et l'histoire qu'on va raconter qui va être au service de la marque. Hein. Et puis, il y a aussi l'histoire, si tu écoutes ça et ça, c'est que tu vas acheter des Nike plutôt que des Adidas, etc. Donc, on a aussi ces histoires-là, mais ça, c'est dans l'autre sens. Et puis, c'est peut-être des histoires moins intéressantes. Rémi, merci beaucoup. On te retrouve sur Twitter avec Rbouton et sur Internet avec La Garde du Bouton. Merci pour ton intervention. Hugo, Sunditix au Luxembourg, AGBon sur Twitter et pour Internet, vous êtes accessible quelque part, on peut vous lire quelque part. Souditix.com, Rodolphe, bon courage pour la V1, la V2, la V3 d'Aurémus, le web sémantique. On peut en savoir plus sur le projet MIMO avec mimo-international.com/mimo si vous voulez savoir comment on dit flûte dans toutes les langues et si vous voulez avoir, découvrir la diversité des instruments avant de parler de la diversité musicale. Et puis on peut te retrouver à la Cité de la Musique, cette bien belle bâtisse avec des pics au plafond et des oiseaux en métal sur les murs. Et Nicolas Andry, @Nicolas_Andry sur Twitter, le blog Informatech, c'est ça, et archimède.fr/fr, parce qu'il faut un tout petit peu de normes dans sa base pour pouvoir être un vrai punk quand on fait de la recommandation. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bon appétit.